Ouais, il y a des qu'on n'entend pas. Oui, frère, oui. En fait, je cherchais le parallèle dans le Nouveau Testament avec la venue du Christ, en fait. Je me rappelle plus du passage. Mais n'empêche qu'on peut, on peut déjà commenter cette... Non, justement, concernant ce passage... Je pensais que c'est dans 1 Corinthiens 5, mais je ne suis pas sûr. 1 Corinthiens 5. Il y a Luc 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain. En fait, il fallait te commenter déjà sur Exode 12. Moi-même, je c'est sur ça, sur cette base que je partais pour dire que c'est une fois par an. Et on connaît à peu près la date, hein, mois de Nissan, on sait que c'est le, c'est en, pour le calendrier, juif, c'est le mois de mars. Donc c'est le premier mois, selon, le calendrier juif. Donc c'est le mois de mars. Tout à fait. Voilà, donc. Et je sais que c'est ça. Et les autres repas, je crois que ce sont les agapes. C'est pas ça, mon frère, Martin. Les repas qu'on mange. Frère, je vous écoute. Oui, c'est ça qui dit que les autres repas qu'on peut se trouver comme ça de temps en temps manger, c'est ce qu'on appelle les agapes. Donc on se retrouve comme ça, on partage nos repas. Quelqu'un d'autre peut amener son... Oui. Oui. Il y a les agapes, ça c'est très clair, mais j'aimerais dire que il y a les agapes, ça c'est clair, mais comme une recommandation que le Seigneur a laissé, bon là, ça ne tenait pas juste une agape, c'est quelque chose qui est un témoignage, je crois que c'est un peu déjà que nous parlons. Mais déjà, si je peux me permettre de prendre la parole. Comme le frère a parlé tout à l'heure, comme il a dit, il nous a un peu pris en cours. Nous comprenons déjà avec les autres que ce que le Seigneur est en train de faire du témoignage ici, ou du moins ce que tu es en train d'imager, était l'œuvre que Christ devait venir accomplir. Après que Dieu ait révélé 9 lions en Égypte et que les Égyptiens ne plient pas le dos, effectivement, Dieu parle d'un 10e cléo qui est la mort de tous les premiers-nés égyptiens. En fait, la mort de tous les premiers-nés égyptiens. Et Dieu dit que pour que les enfants d'Israël soient émisés de ce cléo qui viendra, qu'ils passent d'après les prescriptions que Dieu va donner. Et on va voir que c'est à partir de ce moment qu'il instaure l'agneau, une révélation. Depuis Adam jusqu'à Moïse, c'est là où Dieu vient révéler l'agneau. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous, la parole du Seigneur nous fait comprendre que l'agneau était déjà immolé à la place du fondateur. Le plan d'agneau en Dieu existait déjà. Ce n'est pas un concept nouveau qui fait pour Dieu ouvre les yeux de Moïse pour qu'il voie un autre domaine en ce qui concerne son œuvre. Et en fait, son serviteur a une autre dimension de sa révélation. Donc, il le fait comprendre les choses sous une autre, une autre hauteur. Et il révèle l'agneau. C'est ici, dans l'Exode, que Dieu commence à révéler le temps de l'agneau. Proprement dit, dans les détails, parce qu'on va s'apercevoir que, effectivement, Abel a sacrifié, Noé, aussi, on va voir que Noé a sacrifié, Abel a sacrifié, Abraham, Isaac, Jacob, tous, ils ont fait office de sacrificateur. Ça veut dire que ils comprenaient la sacrifice pour que les péchés soient pardonnés. Ils comprenaient ça, mais Dieu a révélé. Ce n'était pas une institution qu'ils avaient reçue comme quelque chose que Dieu devait accomplir dans le temps, comme quelque chose qui devait être dans la compréhension selon laquelle il faut que l'agneau soit là, pour que tous ceux qui sont du peuple de Dieu soient libérés, il faut que la révélation de l'agneau soit, il faut que le sang de l'agneau soit versé, pour que ceux qui sont du peuple soient libérés. Abraham a sacrifié, mais il a sacrifié, certes, certainement avec le témoignage de l'Esprit de Dieu le donnait. Mais Dieu vient manifester la compréhension de son dessein qui concerne l'agneau avec Moïse. C'est là où Dieu vient faire comprendre qu'effectivement, voici ce qui va arriver maintenant. L'agneau viendra, se immoler. Il va délivrer tous ceux qui sont mon peuple du pouvoir de la mort et de l'oppression des Égyptiens et de Pharaon qui est le maître. Et tous les premiers-nés, pardon, pas les premiers-nés, le premier-né symbolise aussi l'héritier, ça symbolise l'œuvre, ça symbolise la force, la vigueur, mais je pourrais dire plus l'héritier. Tous les premiers-nés égyptiens mourront, ça veut dire que l'œuvre des Égyptiens, l'œuvre des Égyptiens va mourir. Et le peuple va marcher d'après la parole de Dieu malgré les douleurs qui vont arriver. Bon, si on veut prendre le temps pour parler en détail dans chaque compartiment de ce qui concerne la Pâque chrétienne, on va voir que tous ces points ressortent. Si vous me permettez, je vais prendre un peu certains éléments. Parce que je voudrais nous dire, frère, que si on doit parler de la Pâque chrétienne, pas du Seigneur, moi je ne suis pas sûr que tout le temps qu'on a maintenant va suffire. Je ne pense pas. Même si on veut, je ne pense pas. Mais je veux juste toucher certains éléments. Le Seigneur institue la Pâque à une période particulière. Et c'est une période qui marque la délivrance de son peuple. Donc, Dieu va révéler l'agneau pour délivrer. C'est d'abord une remarque. Pendant que le Seigneur le fait, il y a des instructions que Dieu donne. Et il va dire aux enfants d'Israël qu'à telle heure, à telle période, au tel moment, voici comment vous allez faire, voici ce que vous allez faire, voici ce qui va se faire. Par exemple, le Seigneur va parler, commençons déjà avec l'agneau. Il va dire que l'agneau sera pris, on va couper la tête, on va prendre du sang et on va appliquer, commençons par là. Les taux et sur les poteaux. Et quand l'ange, ou du moins c'est quand la mort passera, elle verra le sang, toute maison sur laquelle elle verra du sang, elle passera par-dessus et ne serait pas passée. Ça, c'est déjà c'est le témoignage du salut en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus et nous sommes délivrés de la puissance de la mort toujours par le sang de Jésus. Qui n'est pas, qui ne subit pas, ou du moins, qui n'est pas altérable, qui n'est pas soumis à la mort. Nous sommes sauvés par ce temps, de la corruption et de la mort par le sang. Secondement, le Seigneur mentionne quelque chose d'important. Il dit que c'est sur les poteaux et les linteaux que le sang sera. Le Seigneur pouvait dire qu'on mettra le sang sur toute la maison. Et le Seigneur a dit sur les poteaux. Pourquoi les poteaux? Pourquoi les linteaux? Souvenons-nous de ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, je ne me souviens plus que de la référence, mais quand il donne un cantique, il dit peuple de Dieu, ouvre élève tes poteaux, élargis, élève tes linteaux, élève tes poteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu parlait aussi. Celui qui est la porte, ou du moins celui qui symbolise les poteaux, les linteaux, c'est nous. C'est nous qui devons disposer nos vies, poser nos pour permettre au roi de gloire de faire son entrée. Bon, c'est juste un autre détail. En continuant, venons maintenant en ce qui concerne la vie. Attends, on va s'apercevoir effectivement que l'ange de mort va passer. L'ange de mort aussi qui symbolise le jugement éternel, l'absence de toute chair de tout. Elle touchera tout le monde, sauf ceux qui appartiennent à Christ, sauf ceux qui sont marqués du sceau, sauf ceux qui sont scellé par l'alliance, de manière générale, c'est un peu ça. On va s'apercevoir que il y a un autre domaine de la Pâque qui est très important. Ça veut dire dans la Pâque, il y a le salut. Et dans la Pâque, il y a aussi la vie. Il y a la vie du peuple de Dieu. Et c'est là ce qui, du moins, est notre, je vais dire, notre marche permanente et continuelle avec Christ jusqu'à son avènement. Cette vie. Pourquoi je dis cette vie? Parce que ça ne s'arrête pas là. Dieu ne dit pas seulement de gorger et de verser le sang ou de mettre sur les poteaux, mais Dieu dit, vous mangerez de l'agneau vous allez prendre de l'agneau et vous allez, il y a des remarques qu'on doit faire sur l'agneau. L'agneau n'est pas décapité, ne sera pas décapité. L'agneau ne sera pas, on ne va pas retirer les choses qui sont à l'intérieur, donc elle ne sera pas comme on arrange la viande, elle va juste être cuite avec tout, la tête, les membres, le corps et tout ce qui est à l'intérieur, on va cuire l'agneau, on va braiser l'agneau et vous allez manger de tout et ce qui reste, vous allez brûler. Le matin, il ne doit pas trouver ça et vous allez vous saigner les reins. Déjà, il y a des remarques. Dieu fait comprendre quelque chose. Il n'y a pas une partie de Christ. Parce que Christ est l'agneau. Une partie de Christ que nous ne consommerons pas. Non, ça n'existe pas. On va voir plutôt, par contre, qu'il y a des sacrifices que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de offrir. On va parler des actions de grâce, des holocaustes, des mutations, un certain nombre de choses. On va voir que Dieu donne des dispositions. Mais particulièrement, en ce qui concerne l'agneau de la Pâque, elle est mangée entièrement et ce qui reste est brûlé. Ça veut dire, Dieu est en train de faire comprendre ici que nous ne consommerons pas Christ à moitié ou une partie, mais nous allons consommer Christ dans sa totalité. Tout ce que Christ est, ça sera notre partage. Il n'y a rien qui sera jeté. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de manger, vous allez finir avec la chair, vous allez manger même l'intérieur, vous allez finir avec l'intérieur, vous allez manger aussi fort ou aussi vite que vous pouvez, ce qui va rester, rien ne reste, ça sera brûlé au feu. Ça, c'est une autre particularité. La seconde des choses concernant toujours la vie, Dieu nous fait comprendre ici que dans notre communion avec Christ, dans notre progression avec Christ, il y a les rapports entre nous qui sont très importants. Ça veut dire que tu ne vas pas consommer Christ seul. Dieu ne t'appelle pas à consommer Christ toi seul. Dieu t'appelle à consommer Christ avec les autres. C'est pour ça qu'il pouvait dire que si toi tu as un agneau qui est que tu sais que tu ne peux pas manger toi seul seulement et ta famille, va dans la maison du petit voisin qui n'a pas, qui vient chez toi, vous joignez ensemble. Dieu parlait ici de la communion fraternelle qui est aussi. Bien aimé, pendant qu'on parle, vous allez vous apercevoir que ce qui s'est passé à la Pâque, c'est ce que nous vivons en Christ tous les jours. Dieu parlait de la communion. Il dit que la vie, ou du moins le partage, la marche, la communion, la vie de Christ, nous ne la consommerons pas seule. Nous la consommerons avec les autres. Si ma part, ça me permet que je puisse juste manger moi-même et ma famille, mon corps en mange. Mais nous sommes quand même en famille. Mais si ma part est au-delà de moi-même, et qui parle aussi de quelque chose de très profond, parce que ça révèle aussi l'œuvre de Dieu, le ministère, je partagerai avec les autres pour qu'ils puissent aussi en manger. Ensemble, nous en mangerons. Dieu parlait ici de la vie, de l'Église, des rapports, de la charité, de l'amour. Dieu venait faire comprendre que voici une chose des valeurs qui sont établies en vous. On va continuer. Dieu va parler que ce n'est pas juste que l'agneau, pendant ce soir, vous n'allez pas manger, que ce soit l'agneau, que ce soit le pain, parce que c'est les trois choses que Dieu demande de consommer. L'agneau, le pain et les œufs dans la mer. Nous allons comprendre que tout ça symbolise le Christ. Alors, le pain, le vin, c'est la parole. Du diable sans mélange, n'est-ce pas? Dieu est en train de dire que tous ceux qui mangeront de l'agneau, ça veut dire que tous ceux qui ont une communion avec le corps et le sang de Christ doivent être des personnes qui sont irrépréhensibles dans la vie, dans la parole. Donc, irrépréhensibles dans le sens, ils sont incorruptibles, pour utiliser ce terme. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la corruption, dont la semence ne peut pas être corrompue, elle ne peut pas être altérée. La semence ne peut pas être corrompue. C'est-à-dire ce que le Seigneur dit, que ceux qui participent, ceux qui communiquent dans la semence est incorruptible. Le monde ne peut pas avoir sa part à l'intérieur. Le monde n'a pas sa place, le fonctionnement du monde n'a pas sa place, les doctrines du monde n'ont pas sa place. Et Dieu parle aussi des herbes amères. Et il dit, vous consommerez aussi. Vous allez vous apercevoir que cette pâte-là n'était pas, elle était bonne spirituellement parlant, mais physiquement parlant, elle était, vous pouvez dire qu'elle était beaucoup à désirer, si on veut que voilà, c'est ça. En fait, manger un animal qui n'est pas lavé, qui n'est pas fait. Et puis, on mange dans son entièreté, on mange avec du pain. Je ne sais pas si certains, je crois, beaucoup on a à manger du pain sans le vin, on connaît un peu dans la bouche. Ton frère, sans vouloir te couper, je pense qu'il y a une question sur le forum. Quelqu'un qui demande de s'appuyer, je crois que c'est le frère Pierre, qui demande de s'appuyer sur les versets bibliques, en fait. Et sans vouloir te couper, j'avais pris certaines notes lorsque j'étais avec nos frères et j'ai quelques versets à partager en fait. Donc si vous voulez bien, il y a un Corinthiens 5, sans vouloir, si tu as fini ton assertion, là je voulais proposer un Corinthiens 5 justement, comme ça, ça s'appuie vraiment sur la parole. À partir du verset 6. Je ne sais pas si vous y êtes. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je lis au nom du Seigneur. C'est 1 Corinthiens 5. À partir du 6 jusqu'au... jusqu'au 8. Et bien maintenant, vous avec de méchanceté, mais avec les pains sans le vin de la sécurité et de la vérité. Amen. Amen, amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous voyez la pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen, frère. Amen. J'ai un autre passage, 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est bon? Oui, frère, écoute. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis.

mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Donc voilà quelques passages qui viennent se greffer à ce thème de la Pâque. Et ce que je voulais rajouter ici, c'est qu'en fait la question fondamentale même concernant la Pâque, c'était dans le sens de le manger de manière digne, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, c'est dans le sens de le manger dignement. Qui sont ceux qui doivent manger cette Pâque-là, voilà. Je crois que ça nous renvoie encore dans la parole de Dieu, la sanctification, le netteté, puisqu'on a lu le passage que le frère a développé là concernant, on doit le manger dignement dans la vérité, dans la pureté de cœur, voilà. Donc, ce qui nous ramène toujours à la sanctification, à s'éloigner du péché, à vraiment, nous éloigner de ce qui est unique, quoi. Donc, c'est un peu plus dans ce sens que, moi, ce type qu'on développe, en fait. Souvent, mon frère Martin. Je ne sais pas s'il nous entend. Frère et sœur, moi, c'était un peu plus dans ce sens que je voulais qu'on nous développe. Parce que quand on dit que celui qui mange et boit sans discerner, mange et boit sa condamnation. Donc, si on dit qu'on se rassemble là, que quelqu'un mange et boit sa condamnation, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être condamné quand on mange ce repas-là? Donc, c'est un peu plus là, le développement que je voulais que l'on... Le frère Yannick, parce que je crois qu'il a donné un certain nombre de partages. Je me disais qu'il voulait partager ou du moins se parler dessus, je ne sais pas. Non, c'était plus pour étoffer un peu le thème, parce qu'il y a eu, j'ai lu dans le forum, il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait accompagner nos dires par des versets. Donc du coup, j'ai essayé d'apporter ma modeste contribution avec ça. Non, je veux qu'on développe plutôt dans ce sens-là, mon frère Martin. Bon, parce que, en fait, concernant, par exemple, la Pâque, comme tu as dit tout si bien que c'est un sujet qui est très, très grand à développer, et on a aussi pas mal d'enseignements déjà sur la chaîne Bamba Iba qui nous en parle. Donc, je voudrais plus qu'on parle de condamnation, ou qu'on parle de condamnation, que celui qui mange ça et qui ne discerne pas que cela, c'est le corps et le sang du Christ, et voilà, il mange et boit sa propre condamnation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, donc, pour le manger de manière digne? Alors, frère. Oui, ma soeur. Je vais poser une question. Je crois que pour dire si c'est. Il fallait déjà savoir. Par rapport à la question que tu poses, peut-être d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est comme si le frère Martin voulait qu'on comprenne déjà même qu'il n'y a pas ou il n'y a pas pas. Voilà, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la Pâque ou bien on commémore la Pâque? C'est comme ça l'expression qu'il faut dire, quelle est la bonne expression? Et voilà maintenant la position qu'il faut avoir face à ce qu'on va faire. Parce que soit c'est le repas du Seigneur, soit c'est la Pâque, comment ça se passe exactement? Donc savoir comment ça se passe. Oui. Oui, ma sœur, je comprends parfaitement ta question. Le chapitre 11, je crois qu'on a répondu à ça tout à l'heure. Donc, quand j'ai lu le chapitre 11, 1 Corinthiens 11, ça répondait. Donc, c'est commémorer en mémoire. Quand on dit en mémoire, ce n'est qu'un rappel. Donc, rappel, en fait. Mais le problème ici, le sujet sur lequel je voulais qu'on s'attarde véritablement, c'est pourquoi on parle de manger et boire sa condamnation. Allô? Oui, désolé. Désolé, frère, de te couper. C'est juste que, en parlant, il y a un domaine particulier que je mets toujours en phrase dessus, c'est de savoir la période. Parce que, effectivement, si nous disons que nous commémorons la mort, du Christ et que c'est le témoignage que nous rendons, je sais que c'est bien. Est-ce que le Seigneur nous a laissé une période de le faire? Parce que la Pâque a une période. La célébration de la Pâque a une période. Maintenant, la question est indiquée. Est-ce que nous célébrons la Pâque? Est-ce que nous célébrons la Pâque ou nous commémorons la Pâque? Parce qu'il y a une différence entre les deux termes. Si nous célébrons la Pâque, il y a une date effective qui est instituée d'après, comme on a dit tout à l'heure, d'après la Bible, et c'est ce que le Seigneur avait dit. Ça sera le premier jour de l'année pour vous. Ce sera le premier mois de l'année pour vous. Vous avez le commencement de quelque chose. Est-ce que nous, donc, nous célébrons la Pâque dans le sens où c'est effectivement notre premier mois, c'est le commencement de quelque chose, ou bien nous avons déjà commencé avec Christ, nous sommes déjà dans le commencement de Dieu, et en commémorant la Pâque, nous sommes seulement en train d'annoncer le témoignage effectif que Christ est le nouveau commencement de Dieu. Je ne sais pas. Alors c'est important. Si nous disons que nous vivons la Pâque d'après le calendrier, ou du moins d'après les instructions que Dieu a données dans l'ancienne alliance, ça veut dire que nous célébrons la Pâque et nous sommes en train de dire effectivement que c'est un nouveau commencement. Pourtant, nous sommes déjà dans le nouveau commencement. Et si nous commémorons la Pâque, ça veut tout simplement dire que nous sommes déjà en train de dire que Christ a déjà, nous sommes déjà dans le nouveau commencement. Moi, c'est l'emphase parce que la date, c'est très important. Pourquoi je le dis? Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu comme... Moi, je n'aime pas de communion avec les catholiques, je ne peux pas vous mentir. Je ne pense pas qu'un dixième des choses que les catholiques font soit en accord avec la parole de Dieu. Et dans ce que je vous dis la vérité, je ne cache pas ça. Il n'y a aucune parole. Dans le témoignage que j'ai dans mon esprit, je ne pense même pas que l'Église catholique est une église proprement. Je ne pense pas. Donc, et ils ont le fait, et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'assemblées qui vont dans ce sens. Il faut aussi voir que je ne suis non plus dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'ancienne alliance. Pardonnez-moi pour l'expression, je me suis emporté, le Seigneur me pardonne. Je ne suis pas dans l'ancienne alliance des Juifs, des Israéliens dans la chair, non. Parce qu'elle est, elle était l'ombre des choses à venir. Elle demeure cette. Mais elle n'est pas parfaite. Donc, elle annonçait Christ. Et l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, et je pense que c'est le cas pour nous tous, c'est la nouvelle alliance en Christ. Est-ce que, si dans l'ancienne alliance, on célèbre la Pâque, et les catholiques le font comme beaucoup d'autres religions, nous, dans la nouvelle alliance, qu'en est-il? Oui, frère Martin. Oui, parce que tout à l'heure, quand le frère a pris Exode 12, on est tous conscients que cet agneau qui avait été justement mangé par le peuple juif lors de l'Exode, dans Exode 12 là, on est tous d'accord que c'est une préfiguration de Christ, on est d'accord. Et ça avait une période bien définie, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a insisté et il a précisé la date. Tout à fait. Voilà. Donc moi je crois que si c'était une préfiguration de Christ, hein, pour moi, c'est cette date-là. Parce que même la plupart des enseignements qu'on suit, que ce soit sur la chaîne Bambaïba ou d'autres apôtres et machins qui sont authentiques de Dieu, ils en parlent de la même, ils parlent de la même chose, la même date. Parce que pour les catholiques dont tu parles, ils ont juste modifié les dates. Et on sait que c'est parce qu'ils sont dans l'erreur. Et ils font ça pour égarer grand nombre de personnes, ça on le sait. Mais pour nous qui sommes de Christ, nous nous appuyons sur la parole même de Christ. Donc de Genèse à Apocalypse, c'est Christ. On est d'accord, frère. Donc pour moi, je crois que si le Seigneur a insisté dans Exode 12 en disant le premier mois, le 14e jour, c'est-à-dire donner une précision, c'est que c'est à cette date-là. Et c'était l'agneau. Et le Christ, sans vouloir te couper, frère, pour te compléter, le Christ, il est venu. Il a démontré en chair ce que c'est. Et maintenant, il a dit que vous le ferez en mémoire de moi. Donc, on doit continuer à le faire dans une périodicité. On doit continuer à le faire. Donc, je sais pas si ça répond à la question du frère. Amen. On doit continuer. Amen. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc, on doit forcément continuer à le faire. J'ai une question, si vous me permettez. Si vous me permettez, j'ai une question. C'est le jour de le mois de Nissan, dans la Bible parle, le premier mois. C'est ce jour qu'on immolait la Pâque, n'est-ce pas? C'est le jour où on égorgeait l'agneau, si je ne me trompe pas. C'est le jour où on égorgeait l'agneau. Mais ce même jour, c'est la même nuit où Jésus a célébré avec ses disciples. Ma question qui en ressort est celle de savoir que, est-ce que c'est ce même jour que Jésus est mort? Parce que si c'est le jour où on égorge l'agneau, le jour où l'agneau est immolé, c'est le jour de la célébration de la Pâque, ma question de savoir est-ce que c'est ce même jour que Jésus est mort? Parce qu'effectivement, nous apercevons que non, Jésus n'est pas mort. Pour ce jour, il est mort bien après. Si on veut parler effectivement du jour où l'agneau a été immolé, parce que là, ça devient quelque chose de très important. Parce que si on va dire que Dieu a institué, et c'est vrai, Dieu a institué la Pâque, il a donné la Pâque aux Juifs, il a demandé de respecter ça pendant quelle période, le jour où l'agneau est immolé. La question qui en reçoit, c'est de savoir est-ce que c'est le jour là où Christ a été crucifié. Donc, est-ce que c'est ce jour? Et tu disais, mon frère, tu disais que le jour que Christ a partagé la Pâque avec ses disciples, c'était quel jour? C'était d'après la période que Dieu a dit. C'était le premier mois. Parce que la fête juive là se déroulait à cette période. C'était la période. Je crois que c'est le septième jour de la fête, si je ne me trompe pas, le septième jour de la fête. Parce que la fête se déroulait sur un temps de sept jours. Il y avait six jours qui étaient les récoltes, et puis il y avait le temps sans le temps du septième jour. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que si c'était ce jour-là, et il a dit aux disciples quoi, donc chaque fois que vous en ferez comme ça, vous le ferez en mémoire de moi. Donc, s'il a fait ça ce jour-là, et leur donner cette instruction, je ne crois pas que la date à laquelle il a été sacrifié, puisqu'il a dit, c'est ce jour qu'il mangeait ce repas avec eux, qu'il a dit vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est pas au hasard qu'il a pris toujours la même date, tu vois, pour dire que voilà comment chaque fois, quand vous asseyez là comme ça, là, et faites ça, ça sera en mémoire de moi. Donc, je ne crois pas que ça a à voir avec Le fait est que, bien aimé, dans ce que nous sommes en train de dire, le fait est que, ouais, est-ce que quand nous célébrons nos Pâques, nous prenons encore un agneau pour égorger et pour mourir? Est-ce que nous prenons encore, parfois, à des œuvres, mais non, frère, mais non. Si je pose la question, c'est réellement pour en sortir. Le Seigneur dit à chaque fois, si on peut suivre, permettez-moi, je veux arriver au fond de quelque chose. Pour réellement mettre comprendre, à ce qui concerne, nous célébrons la Pâque ou nous commémorons la Pâque. C'est un peu là où j'aimerais que par la grâce de Dieu, le Seigneur me permette d'appliquer. Luc 22, nous étions au verset. Mon frère Yannick, dis-moi, quand tu as mangé la Pâque au Cameroun, tu as mangé ça comment? Dans quel. Comment? Dis-moi, ça te convient comment? Dans les règles de l'art, c'était vraiment. Comment dire? Voilà. On va dire, ce que je voulais dire, c'est que la préparation du repas, sa constitution, la façon dont c'est préparé, respecte automatiquement ce qui est écrit dans la parole. Maintenant, la préparation humaine de soi-même, il y a aussi cette préparation soi-même. Est-ce que moi je retiens soi-même avant, on va pas manger ça comme on mange. C'est un repas qui respecte beaucoup de choses. Et ça, c'est ce que j'en retiens en tout cas. Tout est fait. C'est de cette façon-là que qu'on l'avait pratiqué en fait. Qui avait les œufs mal? J'ai pas entendu. Qui avait les œufs mal? Oui. Il avait le proverbe. Il avait les deux femmes. Il fallait. Et attends. Ici, la lèvre amère et tout ce qui s'ensuit là, tu l'as bien développé tout à l'heure en parlant des difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Christ. Donc, on n'est pas, nous qui sommes en Christ, on n'est plus hors de Christ, nous sommes en Christ. Donc, forcément, si ma mère ici représente notre difficulté et tout, Amen. Ok, gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais. Oui. Si vous me permettez, bon, je vais lire ce passage et je vais un peu dire, si vous me permettez en quelques mots, je vois que nous tirons déjà. Je vais un peu parler en quelques mots. Oui. Nous sommes Luc 22. On va lire le verset 19. On a lu ça tout à l'heure. La Bible dit ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rendit et il leur donna, disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Je veux dire que une remarque. On va un peu aller dans les remarques. Pendant la Pâque, effectivement, il y avait l'agneau, il y avait un certain nombre de choses. Bon, la Pâque juive, il y avait l'agneau, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a cité précédemment. Mais le Seigneur n'a pas pris, c'était un morceau de l'agneau pour donner à quelqu'un, il dit que ça c'est mon corps. Non, il n'a pas pris l'agneau. Il a pris le pain. Il a pris le pain. Et il a dit, faites ici. La Bible dit, après le souper, non, après avoir tout fait, ça veut dire qu'il y a eu un temps où ils ont mangé l'agneau et tout ça, le repas. Ce qu'il a pris après le souper, c'est la coupe, et qu'il l'a donné en disant, ceci est mon sang qui est répandu pour le monde. Le Seigneur pouvait, et il savait, il pouvait dire que cet agneau, c'est moi. Et il n'a pas fait. Et je veux mettre juste une remarque, quelque part. Le Seigneur ne dit pas que célébrer ceci. Il dit que faites ceci en mémoire de moi. Il y a une autre chose que le Seigneur dit en haut et qui est aussi en tenir compte. Je vais d'abord faire cette remarque avant de poursuivre un peu dans le fond de ma pensée. Le Seigneur dit, je ne boirai plus de ce vin de la vigne jusqu'à ce que à nouveau, jusqu'à les choses soient accomplies. Donc, ça veut dire que pendant que la chose se passait, effectivement, les choses n'étaient pas encore accomplies. C'était en voie d'accomplissement. Donc, on s'aperçoit que la seule période où le Seigneur parle et il dit que, effectivement, tout est accompli, c'est à la croix. Il dit que tout est accompli. Parce que, là, tout est consommé. Je continue de mettre en phase, en ce qui concerne la célébration ou la commémoration. Dans les deux cas, il y a la Pâque. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Pâque? On célèbre la Pâque, ou parce que célébrer la Pâque, c'était annonciateur de l'œuvre que Jésus devait venir faire. Mais commémorer la Pâque, c'est annoncer ce que Jésus a fait. C'est les deux remarques que je veux mettre. Parce que si on dit qu'on célèbre la Pâque, ça veut dire que c'est dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Et nous devons la faire d'après les principes et les critères de l'ancienne alliance. Ça veut dire suivre la date, suivre la manière, le déroulement, suivre un certain nombre de choses. Tout comme ça se passe là-bas, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais faut comprendre une chose, c'est que dans ce que Jésus est entré d'introduire, je ne peux pas dire ça comme ça, c'est une question de célébration. C'est quelque chose qui est basé sur un agneau qui doit être immolé, qui est basé sur l'annonce, c'est basé sur la réalité de la vie en Christ. C'est pour ça que j'ai dit un peu plus précédemment que quand on lit Exode, tout le déroulement et le cheminement, on s'aperçoit que c'était Dieu était en train de témoigner l'œuvre de Christ dans le temps jusqu'à la fin des temps. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, sommes-nous dans la, parce que c'est le mouvement qu'on doit comprendre, sommes-nous dans la célébration ou dans la commémoration? Et Je veux dire juste par ici que vous voyez, dans aucun passage, je l'ai dit, par la grâce de Dieu, on a pris les passages en ce qui concernait Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 11, et on a pris un peu le temps pour lire tout ce qui était à ce sujet. Maintenant, je vais revenir. Je vais prendre, je crois que c'était le bien-aimé a donné 1 Corinthiens chapitre 5. Je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 5. Ok, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, parce que vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. On voit ici encore que ce que l'apôtre est en train d'annoncer, il dit que l'agneau a déjà été immolé. Je bénis le Seigneur parce que ça, dans ça, nous sommes très partants. L'agneau a déjà été immolé. Maintenant, comment nous célébrons-nous? Est-ce qu'on célèbre encore avec l'agneau, les herbes, le pain et tout? Bon, on va continuer. Je veux prendre directement dans Corinthiens chapitre 11, où parce que là, il parle un peu plus en détail concernant le sujet, par la grâce de Dieu. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue pour vous, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, quand l'autre est ivre. Je vais mettre déjà certains romans. L'apôtre Paul commence à expliquer un décor. Et c'est vrai que quand on lit les épîtres de Corinthiens, on s'aperçoit que dans les épîtres de Corinthiens, on est avec beaucoup de désordres. Mais il fait comprendre que vous ne comprenez même pas ce que vous faites. Vous ne saisissez pas ce que vous faites. Regardez comment votre comportement, votre caractère, votre vie, regardez comment les choses que vous entretenez, que vous refusez d'abandonner, les choses de la chair que vous saisissez, que vous refusez d'abandonner, vous poussent à aller jusqu'à maîtriser les choses très importantes de Dieu. Et l'une des choses qui commence à dénoter, il parle de division, il parle de sectes. Et il dit que voici un peu le décor des sectes. Et puis, il continue par la suite. Il dit, ok, nous sommes au verset 22. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Déjà, on comprend que ça commence à toucher certaines réalités. Ça touche déjà des réalités en Dieu. Méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Donc ici, il y a aussi question de mépris. Et comment ça se passe? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, tous les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort et le témoignage jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il y mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Déjà, je veux faire une remarque, quelques remarques. La Bible dit que ces bien-aimés de l'église du commun, quand ils se rassemblaient pour faire un événement ou célébrer ou commémorer, c'est un peu le nom qu'on lui donne, quand ils le faisaient, ils venaient avec des repas. Chacun venait avec des repas. Mais il arrivait que certaines des gens, quand ils venaient, avant même d'arriver, ils étaient déjà sous. Ils étaient ivres, comme la Bible le dit. Certains finissaient de manger leur repas. Et comme il commence à dire ici, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Vous avez dit qu'il y avait des repas. Déjà ici, ça nous empêche de voir la chose d'une manière. Permettez-moi de le dire, parce que moi, j'ai été dans les églises pentecôtistes. Il y avait un fonctionnement, c'était des bouts de pain qu'on donnait. Ce n'était pas réellement dans le sens d'une ambiance festive. Ce n'était pas dans le sens d'une fête. C'était dans le sens, il y a le bout de pain, on va te donner aussi la coupe, et on va te dire de boire. Mais le Seigneur, ici, on comprend que, effectivement, il y avait des repas, on préparait. Et chacun venait avec sa part. Chacun venait avec un repas. Et la Bible dit, pendant qu'ils venaient, l'un a faim. Donc, pour certains, ils se disposaient pour eux, ils se disaient que c'est le moment qu'on va venir pour manger, quand c'est le temps. Mieux je reste affamé. Et puis, quand on va se rassembler là-bas, je vais manger à ma société. C'était aussi une mauvaise compréhension parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. C'est parce que le Seigneur disait, effectivement, il y avait des repas, mais ce n'était pas dans le sens d'assouvir une famine physique. Ce n'était pas une question d'une famine physique. Ce n'était pas de venir avec une faim de son ventre, mais c'était de venir avec une faim spirituelle. C'était de venir dans le sens d'être rempli, d'être plein de la vie de Dieu. Mais on voit que le côté festif demain. Continuons. Il dit, tandis que un a faim, d'autres est ivre. Comme je le disais, certaines personnes venaient étant déjà sous. Ne savez-vous pas, n'avez-vous pas de maison, il commence à le dire, n'avez-vous pas de maison pour y manger et pour y boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Est-ce que c'est dans l'église de Dieu que tu dois venir commencer à avoir faim, ou tu dois être ivre, particulièrement en ce qui concerne le repas du Seigneur? Donc on va s'apercevoir que, effectivement, il y a des gens qui venaient avec des repas, comme la Bible le dit, mais certains mangeaient leur repas, d'autres étaient ivres, d'autres avaient faim. Bien, mais je veux qu'on regarde un peu ces mentions. Il va continuer à dire au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes et de malades, et qu'un grand nombre souffre. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, on s'aperçoit que le comportement, la vie, la manière qu'il faisait un certain nombre de choses qui n'avait rien à voir avec les témoignages, effectivement, que ça donnait, amenait à beaucoup de malheurs. Ne se passait dans ces assemblées. Le Seigneur permettait qu'il y ait des morts, qu'il y ait des malades, qu'il y ait un certain nombre de choses qui étaient réellement permises par le Seigneur parce qu'il ne sait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et bien aimé, permettez-moi de continuer de le dire, c'est important. J'ai été dans une assemblée où, effectivement, pour ma part, quand un certain nombre de choses a commencé, moi je m'étais juste en la première assemblée au moment. papa a cru, j'ai commencé à persévérer là-bas jusqu'à ce que le Seigneur me retire. Il avait une manière qui le faisait être le couple, ça et tout. Donc c'était déjà tout l'église, tout le monde qui venait, il prenait et on les donnait et tout et tout. Et le pasteur, il était très très chaud, très chaud. Bien aimé, la même année que moi j'ai commencé à remarquer que le Seigneur a ouvert mes yeux, il n'y a pas eu moins de 10 morts et c'était successif. Ce n'était pas les choses qui prenaient du temps. C'était des choses qui, tu entends qu'un frère mort aujourd'hui, tu entends qu'un autre frère mort demain. Donc c'était une fréquence. Bon, le Seigneur est en train de dire quelque chose dont il ne se disait pas. Et alors, au fur et à mesure que je grandissais, le Seigneur m'ouvrait les yeux, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites dans cette assemblée qui n'étaient pas correctes. Qui n'étaient ni d'après la vue du Seigneur, ni d'après le message que le Seigneur est en train d'annoncer. Et on remarquait que dans l'assemblée, il faisait qu'avoir toujours une décroissance dans le projet. On ne voyait même plus une main puissante de Dieu dans le silence, mais même les malades, l'église était pleine de malades. C'est vrai, j'ai vécu de telles choses. Si je le dis, c'est juste pour nous permettre de comprendre tout. Pour ce que Dieu a parlé à Exode, comme les familles de l'église, c'était pour nous annoncer la qualité de vie. Ce que les Corinthiens n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi ici, c'est la vie. Bien aimé, je veux faire une remarque. Si c'était une question d'être, je veux dire, pur, sans faute, sans tâche, sans aucune erreur, avant de prendre cela, ça veut dire que le jour où Pierre et les 12 apôtres ont pris, tous devaient mourir, parce que la même nuit, tous ont rejeté le Seigneur, tous, ils sont partis, ils ont fui, Judas l'a trahi, un certain nombre de choses. Si c'était pour parler d'une question de parfait, être parfait, être correct, non, c'est pas d'abord. Sinon, même dans l'église, des frères, comme on a dit tout à l'heure, des apôtres et tout, ça veut dire que beaucoup de personnes aussi devaient mourir à la question de Ananias et de Sapphira, qu'ils ont fait, et aussi commémorer le corps, ils prenaient la coupe. Mais pourquoi on ne remarquait pas ces choses-là? C'est parce qu'ils étaient tellement sains, ils étaient arrivés, ils étaient au sommet, ils étaient déjà pas faits, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Mais je pense que ici, la Bible le dit, c'est une question de témoignage, c'est ce que nous annonçons. Et comment nous le annonçons? Sommes-nous, d'après le témoignage de la vie que nous avons reçu de Christ, d'après l'enseignement que cela ressort, ou l'annonçons-nous d'après un esprit qui est purement mondain, comme le bien-aimé a partagé tout à l'heure dans Corinthiens chapitre 10, il dit que quel est le rapport entre la coupe du Seigneur et la coupe des démons? Donc, est-ce que dans ce que nous faisons, nous introduisons un peu le monde? Maintenant, une des remarques que je veux faire, c'est que nous ne marchons plus, je pourrais le dire comme ça, d'après l'ancienne alliance. Non, nous marchons d'après la nouvelle alliance. L'ancienne alliance pour Dieu est dépassée. Ça veut dire qu'aucun précepte de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance, n'est de ce passage. Par conséquent, aucune autre chose que seulement ce que Christ a instauré est pour nous. J'ai encore des questionnements en ce qui concerne le temps parce que je n'ai pas réellement, le Seigneur n'a pas donné de date. Il n'y a pas une date particulière. Mon frère, comme c'est un problème un peu doctrinal qui est très profond, je conseillerais plutôt qu'on écoute encore ensemble, enfin, qu'après cette exhortation, qu'on écoute des enseignements, par exemple, sur la chaîne Bambaïba, qui parle justement de ce repas du Seigneur-là. Tu vois? Parce que là-bas, le frère a détaillé, c'est-à-dire a développé ça en détail, point par point. Donc, je crois que ce serait plus raisonnable pour nous, parce que là, on s'exhorte tout simplement, mais quand il s'agit d'un problème qui est doctrinal, il faut vraiment se retourner vers ceux qui ont reçu ce mandat-là. On va perdre plus de temps sur la question. Le titre du message, c'est le repas du Seigneur. Oui, le repas du Seigneur, c'est bien ça, le repas du Seigneur. La Pâque. Vous tapez la Pâque. D'accord. Je vais prendre dans le temps pour les choses. Voilà. Bon, je vais dire. ce que je voulais que nous on développe, nous. Parce que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est que dans le groupe, on s'exhorte, mon frère, tu vois un peu. Mais quand il s'agit d'ailleurs des questions qui sont très profondes, il y en a qui ont reçu justement ce mandat et qui sont appelés à cela. Tu vois, non, mon frère. Parce que sinon, on va perdre beaucoup d'heures sans vraiment avoir vraiment un apport sur ce qu'on veut vraiment être enrichi. Tu vois ce que je veux dire? La question qui ressortait dans ce que je voulais dire, c'était pourquoi on nous parle de manger et boire sa condamnation. Et je crois que c'est ce que tu es en train de développer là. Le comportement qu'avaient les Corinthiens nous fait état de ce comportement là. Donc, je crois que c'est plus dans ce sens que je voulais qu'on développe la question. Mais s'il s'agit vraiment de la Pâque et tout ce qu'il y a, tout ce qui s'en suit, s'il fallait faire ceci ou cela, je crois que ça nous ramène plus à aller écouter plutôt les enseignements pour mieux être justement enrichi. Donc, et je crois que si on écoute l'enseignement, chacun pourra poser sa question et ça va être plus simple. Parce que si on écoute tout l'enseignement, les questions vont être répondues automatiquement. Parce que le foie a bien développé. D'accord. Je crois que c'est ce que moi je ferais parce que je n'ai pas encore le temps d'écouter. Donc c'est ce que je ferais. Je vais écouter. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, si vous me permettez. Il y a, bon, je ne sais pas particulier le temps, depuis que le Seigneur a permis que je commence à partager avec vous. Il y a, je vais dire déjà peut-être deux, trois sujets qu'on a mis en suspens. C'est vrai qu'on disait qu'on devait attendre notre bien-aimé, Frère Junior, pour que l'île puisse être la mère. Bon, je ne pense pas que ça a déjà été le cas, mais je prie au Seigneur qu'il permette vraiment. Et j'aimerais aussi, pour ma part, que ce soit dans un sens de confiner ou bien dans un sens de d'éclaircir, j'aimerais aussi être de mieux en mieux stable. Tout à fait, mon frère. Donc, ce qu'on connaît déjà, parce que je crois qu'on a déjà un certain niveau, plus ou moins, tu vois ce que je veux dire. Ici, là, en fait, c'est qu'on développe des sujets de la vie quotidienne du chrétien, dont l'exhortation, un peu comme Timothée faisait. Voilà pourquoi il nous dit, prenons un peu cette épître de Timothée, chapitre 1. Pour que ça nous parle un peu, parce que tout ce qui est problème... Frère, il y a plusieurs trucs sur Baba Iba, sur la Pâque là. Je vais copier tout ça, je vais mettre dans le forum, comme voilà. Ça tu pourras écouter. Donc, quand on va finir là, je vais tout mettre ça sur le site, sur le forum, et tu vas écouter. Donc, je crois que ça serait bien pour nous justement de développer sur les sujets quotidiens, les problèmes, les difficultés qu'on rencontre. Voilà, et tout ce qui est profond, doctrinal, je crois que quand le frère Junior va se connecter, on aura toutes les questions à lui poser. Et je crois que la plupart même des questions qu'on aura à poser sont déjà répondues dans les enseignements sur la chaîne Bamba Iba. Il y a tellement d'enseignements que si tu vas sur cette chaîne, mon frère, je te dis, tu vas être enrichi, hein. Ça va répondre presque à toutes tes questions. C'est vrai que je bénis le Seigneur pour cela. Oui, mon frère, justement, je ne peux pas te répondre si je ne te connais pas. Tu vois, mon frère. Je ne peux pas te répondre. Non, si je te connais. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Le couple Ngabo, bonsoir. La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Le frère Yannick, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir, de me joindre à vous après ce bref moment passé du côté du pays de la Teranga. La sœur Laura Landreau du côté de Bordeaux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? La sœur Reine, j'imagine que tu as déjà quitté les transports. Bonsoir. Si tu ne peux pas parler. Du côté d'Abidjan, Assetou Adjara, bonsoir et bienvenue dans la France de la sainteté. Le frère Josué et madame, bonsoir. Du côté de Tel Aviv. Le frère Martin, bonsoir. C'est pas Martin de Tours. Vous connaissez Martin de Tours, non? Vous connaissez l'histoire de l'origine du mot chapelle. Chapelle avec le chapeau qui vient de l'origine de Martin de Tours avec son chapeau qu'il avait mis dans un coin et on a commencé à appeler chapeau là. Ça va, mon frère Martin? Chose promise, chose due, chose promise, chose faite. Nous sommes ce soir ensemble, n'est-ce pas? Je crois que nous avons quelques petits soucis là avec la connexion. Je ne sais pas si c'est la mienne qui n'est pas bonne. Il y a quelqu'un qui a se baigner quelque part, soit dans une piscine avec sa connexion ouverte. Et on entend comment l'eau est en train de couler. Vous entendez vous-même, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a l'eau qui coule là chez lui. Je ne sais pas qui a ouvert le robinet comme ça. Le couple Sandrine et Oswald, notre frère bien-aimé, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rempli de force. Oui, vous êtes rempli de force ce soir. J'imagine que on va bien travailler. La scène a touché. Bonsoir. Amen, amen. La scène a touché. Bonsoir. Je crois qu'à ce rythme-là. Bon, la sœur Esther Diane, bonsoir. La sœur Kelly Ngaoré, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Que la grâce et la paix te soient multipliées de la part de notre Dieu Père. Amen, amen. La sœur Laetitia, du côté de Yaoundé, bonsoir. Je n'ai pas de retour de Yaoundé. La sœur Elsa Nana, du côté de en province, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir, bonsoir. Que la grâce et la paix te soient multipliées également. La sœur Hélène, je crois qu'il y a la sœur Hélène. La sœur Paul Gertrude est là. Oui. Bon, je crois que j'ai pas. Oui. Bonsoir mon frère Junior. Que Dieu te bénisse. La sœur Claire, du côté du Maroc, je crois que c'est Tanger ou bien Casablanca ou bien Rabat ou bien peut-être de Fès. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ah c'est. En Arabie Saoudite, je m'excuse. Tu es à côté de la Kaaba. Tu es à Jeddah? Oui, je suis à Jeddah. Que Dieu te bénisse. J'imagine qu'on ne te confond pas avec les musulmans, avec cet attroupement-là. Le frère Pierre Nassourou, du côté du Maroc, bonsoir. Voilà. Je crois qu'il y a. Je vous ai écouté assez là pendant plus d'une heure. Je vous ai écouté, j'ai écouté tous vos échanges et. Je crois que pour. Afin que vous ne tiriez pas, comme vous en avez dit tout à l'heure, là, il faudrait que quand vous vous réunissez comme ça, s'il y a des sujets comme ça, peut-être vous donnez rendez-vous. Si vous avez un autre thème à développer, vous mettiez. Je crois que tout le monde dans le bain. Il faut que tout le monde soit dans le bain pour avancer. D'accord? Je reste avec le frère Maté, parce que le frère Maté est en train de développer sur un sujet. Il a posé quelques petites questions là, auxquelles il faut se pencher avant d'avancer. C'est soit frère Maté, tu m'écoutes? Allô? Oui. Oui, allô, frère, je t'écoute. Oui, tu posais. Des petites interférences, mais... oh, c'est pas vrai ça. Frère Yannick, toi, tu m'écoutes? C'est clair de son côté? C'est bon. Voilà, je crois que j'espère qu'il n'y a personne ici que je n'ai pas salué. J'ai salué le frère Benjeni de la sœur Assetou. La sœur Assetou ne m'a pas répondu. La sœur ne m'a pas répondu. Bon. Le frère Yannick, le frère Martin, tu as lu tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Frère, tu ne m'as pas salué. C'est qui ça encore? C'est la sœur Hélène. C'est la sœur Hélène. Oui, tu ne m'as pas salué, mon frère. Mais c'est toi qui as appelé ma famille, tu as dit que les deux sont une. On salue une personne, c'est la même personne qu'on a salué, non? Mais tu as salué qui alors, mon frère? Je m'en excuse. Ma moitié est où? Comme tu as. Ah, la moitié est où? Bonsoir, la scène, la scène, elle est bonsoir. Bonsoir, mon frère. Mm-hmm. Alors, le frère Yannick, le frère Martin, lisons rapidement 1 Corinthiens 5, là, verset 8, et j'ai dit quelque chose parce qu'il y a des questions que j'ai, pendant que tu en as parlé, j'ai noté tes questions concernant cela, et je crois avoir suivi qu'il y a certains sujets que vous avez mis en suspens en m'attendant. Je suis là maintenant, il faut qu'on ouvre ce sujet-là d'abord. Si le Seigneur permet, on en parle. Mais avant, répondant à quelques questions qu'il a posées tout à l'heure, il a posé la question, est-ce qu'on célèbre ou bien on commémore? D'accord? Et il a dit que si c'était la célébration, il faut qu'on fasse selon l'Ancien Testament. Et pour le cadre de la date, il a dit qu'il n'a pas encore réfléchi ou bien parlé. Mais peut-être qu'il ne pense pas qu'il y ait une institution de la date selon le Nouveau Testament. Alors, lis le verset 8, déjà mon frère, le verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 5, dont vous avez cité tout à l'heure. Les 5 premiers mots disent quoi? Le verset 8. En fait, non avec du gel levain. Vérifie que tu as lu les 5 premiers mots. Célébrons donc la fête. Voilà. Non. Oui. Célébrons donc la fête. Non. Alors la question c'est, on parle de quelle fête ici déjà? Le frère Martin m'entend? Oui, bien sûr, j'ai tout. Puisque dans ces passages-là, il dit Christ, notre Pâque, il met directement le rapport entre Christ et la Pâque. Il dit Christ, notre Pâque a été immolé. Il y a plusieurs sujets que tu as. Je crois que c'est développé dans les enseignements, mais il y a un point que tu as soulevé qu'il faut qu'on éclaircisse véritablement maintenant pour que ce soit encore un peu plus clair. Si vous m'entendez, si vous n'entendez pas, vous me dites pour qu'on puisse. Vous entendez? C'est un peu d'interférence. Ah, c'est pas vrai ça. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'espère qu'il y a quelqu'un. J'espère que quelqu'un n'a pas. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Non, t'entends, c'est un système. Voilà. Donc, le frère Mathé a posé la question, est-ce qu'on célèbre la Pâque ou bien on commémore la Pâque? Alors, maintenant, il faut répondre à la question bibliquement. Parce qu'il a dit que si c'est la Pâque qu'on a de célébrer, alors on doit faire selon l'Ancien Testament. Alors, la question que je pose maintenant, c'est que de quelle fête l'apôtre Paul demande qu'on célèbre ici? Et si c'est la Pâque du Seigneur dont nous célébrons en tant que signe de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, alors dans ce cas, quand il dit célébrons dans la Pâque, il s'attend à ce qu'on célèbre comment cette fête-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, voici là où on a la différence. On doit célébrer la fête de la Pâque du Seigneur Jésus-Christ en commémorant sa mort. Parce que maintenant, c'est le parfait qui est entré en scène. Je ne sais pas, quand je ne vous vois pas sur mon écran, vous tous sur mon écran, il faut que de temps en temps me dites si vous allez me suivre. C'est pour ça qu'il pose la question de temps en temps pour savoir si vous allez me suivre là. Voilà. Donc faites-moi des signes de temps en temps. Maintenant, écoutez très attentivement. Dans le livre de Marc, chapitre 14, vous lisez le premier verset, le chapitre 14 du livre de Marc, la Bible déclare que la période de des pains sans levain, la Pâque est des périodes de pains, parce que tout à l'heure, il est en train de citer cela. Cette Pâque-là se situe entre durant une période où il est convenu d'appeler dans les Saintes Écritures, sous les yeux du Lévitique, chapitre 23, particulièrement jusqu'au chapitre 25. Vous avez remarqué qu'on parle des différentes fêtes de l'Éternel là-bas. Et on parle de la fête de la Pâque. Donc la fête de la Pâque coïncidait durant la période des pains sans levain. Durant cette période de pain sans levain qui a lieu pendant 7 jours, on ne doit pas avoir de pain levé à la maison. Et donc le frère a posé la question sur deux endroits. Il dit que normalement la Pâque était immolée, on égorgeait ce qu'on égorgeait dans l'Ancien Testament, était égorgé le 14e jour. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la Bible signifie que si vous lisez le livre d'Exode, on dit, lorsqu'on parle de cette Pâque-là, on dit que lorsqu'on va prendre le 10e jour, on va prendre cet agneau, on va le garder jusqu'au 14e jour, on doit l'immoler entre les deux soirs. Effectivement, Christ est mort entre les deux soirs. Donc c'est bibliquement parlant que Christ est mort dans la Pâque. Il est mort entre deux soirs. Maintenant, avec notre conception du calendrier, il faut pas oublier que dans le calendrier de Dieu, on compte du soir au matin. Donc, alors que pendant que nous nous comptons du matin au soir. Donc, vous voyez, effectivement, ouvrez le livre de Marc, chapitre 14. Ouvrez-le rapidement, là, je vous montre quelque chose. Marc, chapitre 14. Rapidement, pourquoi on répond ça? Parce qu'il est temps de poser la question, parce que Christ, il dit que Christ n'est pas mort le même jour. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, que Christ n'est pas mort le même jour. C'est pour ça qu'il pose la question, qu'est-ce qu'on a de célébrer? Je vais donc expliquer cela, pourquoi Christ est allé à la croix plus tard et ce qu'il a fait le soir. Et c'est très important que ces choses soient vues. Et pour la petite histoire, nous sommes en 2018, nous sommes d'avancer en fin d'année de 2018, dans le calendrier grégorien, ou enfin, le calendrier julien, ou quoi que ce soit que nous avons, le calendrier romain. Le 14 Nissan de l'an 5779 de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2019, on va célébrer dans la Pâque le 19 avril. Ça sera le 19 avril au soir. Donc, je crois que vous avez noté maintenant, donc, pour qu'il n'y ait pas de télévisation, que quelqu'un vient me demander que ça sera encore quand. Donc là, c'est connu. Donc Marc chapitre 14, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Marc, le chapitre 14. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok. Amen. Dans Marc chapitre 14, le frère Yannick, comme ta connaissance est bonne, tu peux lire le verset 1 d'abord. Oh, la connexion là, c'est terrible. J'avoue que ma connexion n'est pas bonne du tout. Alors, vous m'entendez? Amen. Je crois que j'ai un projet. il y a quelques soucis de connexion. Ici. Il y a quelqu'un qui respire dans son micro. Quelqu'un respire dans son micro. Les gens qui ont le micro proche de la bouche là. Le frère Yannick, c'est pas le frère Yannick, il m'en excuse, c'est la connexion qui n'est pas bonne ici du tout. Le frère Yannick, le verset 1 du chapitre 14, je ne sais pas si vous avez lu ça en dedans. La personne qui oui. Donc, Marc 14, verset 1 dit. Oui. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Oui. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà, c'est bon. Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Voilà. Donc on voit effectivement que c'est le premier jour. C'est pour ça que le premier jour, ce premier jour de la terre est une grande fête solennelle. Donc le premier jour est sanctionné par cette connexion-ci. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Je crois qu'avec Alors, je crois que je ferai me reparler rapidement là-haut des lits. Donc, vous voyez effectivement que le premier jour, pendant les 7 jours, le premier jour, c'est le 14e normalement, parce que ça commence du 14 jusqu'au 21, pendant les 7 jours. Et le premier jour, c'est le 14e jour. Donc, au soir, écoutez très attentivement, le premier jour au soir du 14e jour, entre les deux soirs, donc entre le soir du 14e jour au soir du 15e jour, c'est à cette période-là que la Pâque doit être immolée. Oui, au verset 12, donc on dit quoi? Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, n'est-ce pas? Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque? Verset 16, verset 16 déjà, les disciples partirent, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Donc il y avait des préparatifs vis-à-vis concernant la Pâque. Je ne sais pas si cette connexion est bonne. Je crois que je vais continuer à bavarder seulement. Le verset 17 dit, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Donc, remarquez bien qu'ils ont préparé la Pâque. Ils sont rentrés parce qu'il y a les disciples avec lui. Les disciples marchent avec lui. Ils ont préparé la Pâque. Donc, préparé tout ce qui doit avoir lieu tout autour de la solennité. Puis, ils sont rentrés avec le Seigneur. Et ils sont revenus là-bas le soir parce que ça se célèbre le soir. On dit donc, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. On y va rapidement, verset 22 maintenant. Je sens le courir comme ça à cause de cette connaissance qui a été dérangée là. On dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, écoutez très attentivement, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Voilà, c'est ici donc que nous touchons dans le point que soulevait le frère Martin. Je ne sais pas si cette connaissance va me permettre vraiment que vous me compreniez. Si vous me comprenez, faites-moi seulement signe. Voilà, vous me comprenez. Je t'écoute. Ok. Maintenant, regardez très attentivement. Voici la chose. Souvenez-vous que c'est à l'issue de cette célébration, à l'issue de ce petit repas que le Seigneur va faire pour annoncer sa mort et sa résurrection et la rédemption du monde par le sacrifice qu'il va faire dans l'après-midi du lendemain, c'est à cette instance propice que Dieu instaure ce dont nous célébrons. Or, lui, il est le représentant type même réel de ce que Exode chapitre 12 annonçait. Ici, ça devrait être manifesté. Mais, voici le problème. Écoutez très attentivement. La Pâque se célébrait avec de l'agneau. Voilà le problème. Ici, en cette soirée-ci, se trouvait un agneau qui était là. On ne pouvait pas tuer Jésus, manger. Lui, il était le réel. Et le réel et le virtuel ne peuvent pas collaborer ensemble. Le réel doit, si le réel doit se manifester, le virtuel doit quitter la scène. Je ne sais pas vraiment si vous allez me comprendre maintenant ce que je suis en train de dire. Écoutez, une fois de plus, très attentivement. Regardez bien, si vous lisez le livre de Luc, le livre de Matthieu, vous allez voir effectivement que Jésus, avec ses parents, montait chaque jour, enfin chaque année, à Jérusalem pour célébrer cette même Pâque, n'est-ce pas? Dans un autre épisode, on va raconter que pendant trois jours, sa maman, ses parents vont le chercher, on n'a pas le voyage, on va se retrouver dans le temple. C'est cette fête qu'ils sont venus célébrer. Or, durant ce moment-là, ce qui est prescrit dans les Écritures, c'est que quand ils vont se réunir en famille, ils vont immoler la Pâque. Donc, quand ils y montaient en tout bon juif, ils célébraient la Pâque, c'est-à-dire la Pâque de la Saint-Testament juive, en tuant, en égorgeant effectivement le mouton. Sa famille tuait le mouton, enfin, le mouton, et s'asseyait pour manger en famille, comme on l'a signifié dans l'Ancien Testament. Ça ne pouvait pas être autrement. Mais cette Pâque-ci, de cette année particulièrement où Christ notre Seigneur devait être tué, était différent pour eux dans la célébration par rapport à la soirée. La viande, écoutez très attentivement, je suis en train de vous dire quelque chose, c'est l'agneau qui était l'annonciateur depuis l'Ancien Testament de cet agneau parfait qui est venu, ne peut pas être sur cette table-là le même jour. Si vous me comprenez maintenant, je peux avancer. Maintenant, il fallait que sur cette table-là, il y ait un substitut qui annonce effectivement cet agneau parfait qui va mourir. Dans Jean chapitre 6, il a annoncé que son corps est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Et il dit que son corps est le pain qui est descendu du ciel pour donner sa vie au monde. C'est pour cela que le substitut sur cette table-ci n'est plus l'agneau qui doit être ensanglanté, mais plutôt le pain. Parce que l'agneau annonçait celui qui va venir prendre le péché. Et l'agneau, le parfait qui vient, il traite le problème du péché pour accorder la vie. Donc là-bas, il y a l'accomplissement de ce qui a été annoncé et l'institution d'une autre chose qui est annoncée désormais maintenant pour qu'on puisse célébrer que nous avons la vie en celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je ne sais pas si vous me saisissez. Que ces connexions puissent me laisser parler maintenant. C'est toujours bon là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, donc je recommence encore. Donc, dans la soirée, normalement, si on était un an avant cet événement-ci, Jésus et ses disciples devraient sacrifier un agneau pour manger aussi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ici se trouve l'accomplissement du parfait où ce qui était annoncé doit faire place pour que ce qui est annoncé puisse être accompli. D'où la venue du pain sur la table. C'est pour cela que nous célébrons avec le pain, pas avec la viande. N'est-ce pas si vous saisissez? Ok, maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné cette institution-là, comme on va y revenir, après avoir fait ça, ils chantent les cantiques, ils vont dans le monde, au monde de, quoi, à Gethsemane, pendant qu'il est en agonie, au-delà, cette nuit-là, c'est là où on vient l'appréhender. On l'appréhende tout au long de la nuit, on le trimballe chez les souverains sacrificateurs, on le trimballe chez Pilate, Héros, et ainsi de suite. Le lendemain, on le trouve là-bas. Je sens de vous la parler par rapport à la période pour que vous sachiez ce que ça me dit. Parce qu'en soirée, parce qu'on dit ici, le soir étant venu, donc ça veut dire qu'il vient au coucher du soleil. Il commence leur solennité, il se prolonge dans la nuit, et durant la nuit, après avoir célébré ça, il sort pendant que Judas sort pour aller le livrer. Il sort pour aller dans le lieu où Judas connaissait d'entrée qu'il se réunissait pour prier davantage, quoi, d'habitude. Et ce lieu-là est appelé Gethsemane. Et c'est durant ce moment qu'ils sont en train de prier qu'on vient l'appréhender. Nous nous trouvons donc dans les profondeurs de la nuit. Et on va en cette nuit-là, chez le Caïphe, où les gens étaient réunis. On parle de l'histoire de Pierre où il y avait des gens qui avaient mis du feu pour ce qu'ils faisaient froid cette nuit-là. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Donc on le prend dans la période de cette nuit-là. Nous nous trouvons donc au 14e jour, dans la soirée, comme effectivement, comme dans l'immolation là-bas. Et en journée donc, on se retrouve maintenant dans les procès. Vous voyez effectivement que le 14e jour au soir, on voit effectivement qu'on est en train d'introduire maintenant pour tomber dans le 15e jour. Dans le 15e jour, la Bible déclare, si vous lisez bien les Écritures, on dit qu'il est crucifié et il rend l'esprit à partir aux environs de 15h, la 15e heure, jusqu'au soir. Donc vous voyez effectivement qu'avant que le soir qui annonce le 15e des jours, le Seigneur Jésus-Christ est mort dans l'intervalle où l'agneau de Dieu devait être immolé. C'est pas ce que vous suivez. Parce qu'il est dit dans les actes, enfin dans Exode, que l'agneau, on va prendre l'agneau du 10e jour, et l'agneau doit être immolé entre les deux soirs, c'est-à-dire entre les deux soirs du 14e jour au soir et au 15e jour. C'est-à-dire le deuxième jour de pain sans levain, si vous voulez comprendre. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'était pour signifier par rapport à la période d'amour. Parce que le frère a posé la question que, ok, si on célèbre, quoi, la Pâque ou bien la mort du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il a dit, si c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, il est mort plus tard. Mais le problème, c'est qu'avant de mourir plus tard, il a institué quelque chose là-bas qui devait être comme point de repère. C'est même à ce moment-là où l'agneau devait être là. Donc l'agneau a fait place au pain. Parce que l'agneau prenait le péché. Le corps de Christ annonce la résurrection. C'est-à-dire parce que ce corps-là, ce qui donne la vie au monde. quand il meurt, c'est pour donner la vie. Il dit dans Jean chapitre 6 que c'est celui qui est descendu du ciel, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est pour donner la vie au monde. Il ne vient pas, le pain, la vie qui descend du ciel ne vient pas pour ôter le péché, non. C'est le sang, par le sang que le péché est, il y a la rédemption, mais en même temps, il y a le corps qui donne la vie. Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ était pour enlever le péché, sa résurrection c'était pour justifier et puis annoncer cette nouvelle vie-là qui vient sur les gens. Parce que tant que l'agneau ne meurt pas, la justification ne vient pas sur celui qui amène l'agneau. Parce qu'il faut que la culpabilité va sur l'agneau, il faut qu'il ferme effectivement l'œil, que son souffle quitte, afin que la vie qui était sur l'agneau, puisse, l'innocence qui était sur l'agneau puisse aller sur le coupable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a du pain cette soirée-là. Il y a du pain en ce soir où il dit le soir étant venu, il s'est mis à table. C'est pendant qu'on se met à table, et là maintenant, à ce moment, pendant qu'il s'en est de manger, pendant qu'il mangeait, donc ce soir de table, conformément à la Pâque hébraïque, il institue. Voilà. Institue. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il a dit tout à l'heure. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que là, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Donc, ça veut dire qu'il nous indique exactement le pain qui a été remplacé, qui a remplacé justement l'agneau que les juifs étaient censés immoler dans l'ancienne alliance. Alors, ce pain-là, c'est le corps qui donne la vie à Christ, la vie de Christ. C'est le symbole de cela. Pas qu'en mangeant le corps et en buvant le sang, on a la vie. Que non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en croyant à sa mort et à sa résurrection, les gens sont justifiés par cela. D'accord, mes chers frères? Donc, quand est-ce qu'il y a des juges, je crois qu'il va falloir qu'ils écoutent et toutes les autres personnes puissent écouter là-bas pour le développement. Pourquoi on ne perd pas le temps pour ces choses-là, c'est déjà annoncé. Lorsqu'on entend donc comme ça, on voit effectivement que les célébrations doivent être faites selon ce modèle là-dedans. Donc, je crois qu'en prenant tous les enseignements qui sont là, il faut écouter doucement. Et là, maintenant, s'il y a des points à expliquer, on explique facilement pour ne plus revenir là-dessus. Donc, j'ai réité dans ce qui est en train de dire, le 14 Nissan de l'anse hébraïque pour, je crois que le frère Josué, je ne sais pas s'il est connecté, il est du côté de de Tel Aviv. Nous sommes dans leur calendrier en l'an 5779. Donc, je crois que le 14 Nissan de l'année prochaine, c'est-à-dire que l'année prochaine chez nous, parce que nous sommes dans la même année là-bas, de l'autre côté là-bas, de l'année prochaine, ce sera le 19 avril. Le 19 avril. Voilà, c'est ce qui est dit. Alors, le frère Martin parlait, j'ai entendu qu'il a dit qu'il y a des sujets qui sont en suspens. Je ne sais pas de quel sujet dont il est question. Vous pouvez les mettre sur la table maintenant. On essaie de voir. J'aurais souhaité qu'on parle de ces choses, de ces préparations pour le Saint-Esprit là, également dans ces forums. Mais s'il y a des sujets donc, qui sont en suspens, je crois que c'est mieux qu'on observe cela avant d'avancer. Allô? Oui, mon frère. Bien-aimé. Il y avait un sujet qui était en suspens. On ne s'était pas vraiment entendu. On avait gardé ça pour toi. Le jour que tu seras là, tu vas nous éclairer. C'était par rapport au Saint-Esprit. Oui. À quel moment on reçoit le Saint-Esprit? Attendez une note, s'il vous plaît. Voilà. Bon, c'est bon. Je crois. Non, ne dis pas ce que les gens pensent. Ne t'inquiète pas, mon frère, parce que c'est le fait qu'on pense comme ça qui crée problème. D'accord? C'est mieux qu'on va dans les Écritures. Ah, effectivement. Je crois que ça rejoint ce que nous devions voir aujourd'hui. Bon, de toute façon, répondre à ces questions, ça va nous donner une préparation. Et c'est la première question. Il y en a combien? Comme ça, il y a les notes. Il y en a encore. Vous y êtes. On voulait aussi savoir si en assemblée, on pouvait prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Peut-on prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? C'était ce jour-là, je pense qu'on parle de l'intercession. Est-ce qu'on intercède ou c'est le Saint-Esprit qui intercède? Qui intercéder dans quelle façon? Intercéder comment? Lorsqu'on prie pour un frère, oui, pour une soeur, est-ce qu'on intercède ou est-ce qu'on fait juste le fait de prier? Dans ce cas, frère Martin, il semble que ce soir-là, c'était ta question. En tout cas, pour l'autre là, c'est assez facile de déballer cela. Chaque fois que vous annoncez une prière pour quelqu'un, parce que les chrétiens, tous les chrétiens sont appelés à intercéder. Parce que quand vous priez les uns pour les autres, vous vous mettez à la brèche pour cette personne-là. Et par contre, quand vous faites dans, en ce moment-là, office d'intercession. Mais en tant qu'intercesseur, c'est autre chose différent. D'accord? Parce que le ministère d'intercession, en tant qu'intimement lié, c'est lié au ministère des prophètes particulièrement. Mais vous voyez effectivement que sur le cadre, dans le cadre universel, vous allez voir que chaque chrétien, quand il priait les uns pour les autres, c'est l'appel à l'intercession. N'est-ce pas si vous suivez? Ça c'est autre chose. Je crois qu'on va observer les deux premières questions. C'était les trois questions à observer. Il y en a une dernière. Oui. Oui, puisque il y a un jour, bon, je pose la question, hein, c'est mieux de la poser, que de dire qu'elle a dit. Oui. Est-ce que la question de parce qu'on est appelé, est-ce que c'est parce qu'on est appelé qu'on ne doit plus rien faire? Donc, en tout cas, là, ça traite de la responsabilité de l'homme dans le choix de Dieu et dans le plan de Dieu, l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. La responsabilité. Notre responsabilité. Parce que quand vous entendez ces prédestinations-là et autres là-bas, ça se fait à faire. On commence à poser des questions. On dit que, ok, c'est qu'est-ce que nous avons à faire là? Bonne question. Responsabilité. Voilà. Donc, c'est toutes les questions que, bon, on a dû rencontrer du moment que. Responsabilité. Tout n'était pas la. Vous préférez qu'on commence par laquelle alors? Notez donc Jean chapitre 14. Notez Jean chapitre 14. Nous allons prendre le verset 10 jusqu'au verset 25 d'abord. Jusqu'au verset 26. Notez les versets que je vais vous donner. Comme ça, va. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la connexion nous permettra. Quel moment on reçoit. Frère Junior. Oui. Il y avait aussi une question sur dans le livre de Jean. Oui. Jean 20, à partir du verset 6. Oui, qui dit quoi, ma sœur? Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Oui. Il vit les bandes qui étaient à terre. Oui. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, de non coup. Pas avec les bandes, oui. Mais plié dans un lieu à part. Oui. La question, c'est... Qu'est-ce qu'on est censé comprendre par ce verset et pourquoi le linge que Jésus avait sur la tête était plié et mis à part? Vous savez chercher ici dehors. Vous savez chercher le problème. vous allez jusqu'à dans la tombe, jusqu'à commencer à chercher les divins habits. C'est comme ça que les gens ont cherché, ça arrivait sur la Saint-Sue et qu'on a finalement trouvé le linge ou la face, avait le visage de Jésus, c'est cela. Bon, nous allons reléguer ça en dernière position. Si le Seigneur permet, on va y revenir dans un autre enseignement, pas aujourd'hui, parce que c'est pour que ça ne nous déconcentre pas. Parce que si on veut le faire comprendre, si le linge a été pris sur lui, le linge se trouve où? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bon, on va voir cela. D'accord? Donc, attendons-nous. J'espère qu'il n'y a plus une autre question. Il y a quelqu'un encore qui a l'eau là-bas. On y va. Notez également Jean chapitre 7, verset 37 et 38. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On peut commencer maintenant. J'espère qu'on n'est pas fatigué, non? C'est cette connexion qui nous crée le problème. Jean chapitre 7, verset 37 et 38. Donc, je suis content d'être encore réuni de nouveau avec vous. Vous pouvez me laisser vraiment parler de ce thème, de ce sujet du Saint-Esprit, si véritablement, même s'il arrive que ça vous blesse, même ça va faire du mal, ça va faire du mal pour un bien. Amen. Ok. La connaissance de la parole de Dieu n'amène pas le Saint-Esprit à fonctionner pour vous. Amen. 2. Faites les études de la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ne font pas venir que le Saint-Esprit vienne pour vous. Amen. Puisque la question c'est quel moment reçoit-on le Saint-Esprit, il y a des jalons que nous allons d'abord poser avant d'avancer dans cette question-ci. Je recommence encore. Faire les études bibliques. Connaître la Bible du début jusqu'à la fin ne fait pas que le Saint-Esprit vienne sur vous. Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que la promesse te soit donnée qu'il viendra. Parce que le Saint-Esprit est donné en signe des promesses d'abord. Amen. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre va prêcher, quand il va donner l'exhortation à ces foules-là qui étaient à Jérusalem, qui étaient venues pour la commémoration de la Pâque, dans cette période de fête des Pâques, à la Pentecôte, la Bible déclare Pierre leur a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, et il dit car la promesse. Donc la promesse qui a été faite est liée au don. Donc la, c'est, donc, le Saint-Esprit c'est un don, mais c'est en guise de promesse. Au chapitre 1 de ce même livre des Actes des Apôtres, verset 5, là, le Seigneur dit aux apôtres que car Dieu a, quoi, Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Une fois de plus, on voit effectivement comment le Seigneur leur fait cette promesse. Quand l'apôtre Pierre, ce même Pierre sera envoyé chez Corneille, après, pendant qu'il se rendait par le verset 47 dit que pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutent la parole. Et vous voyez effectivement qu'avant que ça ne s'accomplisse, il y a quelqu'un qui est venu témoigner à l'apôtre Pierre, quoi, à Corneille, que sa foi était agréable à Dieu, qu'il était prêt pour recevoir cela. Et il a envoyé, je peux appeler Pierre, il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Ça, si vous comprenez. Et dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre se rendait expliquer ce qui est arrivé, à partir du verset 8, il dit que lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé le baptême d'eau, dans quelques jours serait baptisé du Saint-Esprit. Il dit, oh, puisque Dieu leur a rendu le témoignage de leur foi en leur accordant le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit de la même manière comme nous, devrais-je me poser encore à Dieu? Vous y êtes, monsieur? Amen. Donc, les premiers jalons dont je suis en train de parler, c'est que en réalité, le Saint-Esprit ne vient pas parce que nous avons la parole, ni parce que nous avons foi. C'est parce que si vous regardez sur ce rapport-là, vous allez remarquer que Corneille n'avait pas la prédication de la croix comme il disait. Vous voyez, la prédication du Seigneur Jésus-Christ, il n'en savait rien. Mais il craignait Dieu selon le rituel juif, ou bien selon la Torah, les enseignements juifs, parce qu'il était dans la populace, il connaissait effectivement ces coutumes-là. Mais la Bible déclare quand l'ange est venu au chapitre 10, à partir du verset 1, il lui a dit Corneille, il dit ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Et est-ce à cause des œuvres que Dieu lui a accordé la vie éternelle que non? L'apôtre Pierre dit clairement, lorsqu'il entre dans cette maison, que ce n'est pas à cause de ses œuvres, mais que dans toutes les villes, n'importe quelle nation, que quelqu'un fait ce qui lui est agréable et que le craint, celui-là lui est agréable. Donc Dieu a les yeux rivés, comme il le dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que Dieu a des regards fixés sur tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez bien encore, je commence en question de citer Actes des Apôtres, chapitre 10. Le verset 1 dit, un ange est venu chez Corneille, ce jour-là, alors qu'il est en train de prier. Il a dit, connais tes prières, tes aumônes sont montées jusqu'au Seigneur, devant le Seigneur. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant à Joppé appeler Pierre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, regardez bien que ce n'est pas à cause de ses œuvres qu'il a été sauvé. Parce que la Bible dit clairement que ce n'est point à cause des œuvres qu'on a été sauvé. Mais dans le départ, on comprend que Corneille, lui, craignait Dieu. C'est pour ça qu'il manifestait ses œuvres-là. Donc, c'est la crainte de Dieu qui était installée dans son cœur qui le poussait à manifester les œuvres de la foi. Corneille donc manifestait les œuvres de la foi. Alors maintenant, il fallait lui donner la parole de témoignage par rapport à ce Dieu en qui il a cru, pour qu'il puisse connaître comment faire pour être sauvé. Que ce ne sont pas les rituels là qui font sauver, que font qu'on soit sauvé, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché cela, que toutes les nations, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Vous voyez? À l'instant, il a fait comme ça, le Seigneur a témoigné que sa foi était parfaite pour la réception du Saint-Esprit. Et donc, je crois effectivement qu'il faut qu'on se comprenne. Il y a des gens qui vont jeûner, prier, s'abstenir du péché, ils ne recevront jamais le Saint-Esprit parce que ce n'est pas une promesse pour eux. Alors donc, ça veut dire que nous avons un problème ici. Toute cette prédication donc qu'on fait que les gens, comme on dit, qu'on donne la vie à... Parce que quelqu'un, je crois que le frère Oswald voulait parler, que certaines personnes disent que lorsqu'on donne nos vies à Jésus-Christ, lorsqu'on donne nos vies au Seigneur Jésus-Christ, à cet instant, le Saint-Esprit entre en nous. Vous voyez que quand on va aller dans les Saintes Écritures, vous allez voir qu'on a des problèmes là. Maintenant, lorsque tout ce monde-là qui suivent dans les campagnes d'évangélisation, ils donnent leur vie à Jésus, ils donnent leur vie à Jésus, comme on dit là. On dit, les gens disent effectivement qu'à partir de cet instant-là, leurs noms sont écrits dans le livre de vie, le Saint-Esprit habite désormais en eux, ils sont maintenant enfants de Dieu. Donc on donne à certaines personnes donc maintenant de croire qu'ils sont enfants de Dieu. Et mais plus tard, ils se voient manifestement qu'ils n'en sont pas, parce qu'en réalité, ils voient effectivement que leur vie ne change pas. Ils ont toujours l'ancienne nature, l'ancien style de vie, rien n'en change. Mais pourtant, on leur a dit qu'ils sont enfants de Dieu. Pourtant, vous et moi, chacun de vous connaissez d'où vous venez, votre père, votre mère. Vous connaissez au moins votre acte de naissance, votre naissance. Même si certains ont changé beaucoup d'actes de naissance, mais vous connaissez au moins ce qui est vrai parmi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, on a un problème. Comment, mon frère? Oh, je disais exactement. Donc, chaque personne a son acte de naissance quand même. Alors, quel moment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit ou bien le Saint-Esprit? Dans, notez aussi le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14. Actes chapitre 8 et Actes chapitre 19. Puisque vous êtes derrière les Bibles et que vous lisez la Bible, tous ces passages que je vais dire, et je vais vous donner des idées, je vais seulement citer quelques passages là-bas et puis vous allez vérifier s'il le faut. Dans Jean chapitre 14, quand le Seigneur leur annonçait effectivement qu'il faut qu'ils retournent au Père, il dit qu'eux, maintenant les disciples, ils connaissent le chemin, comment ils vont y aller. Puis plus tard, à partir du verset 20, le Seigneur dit qu'il ne va pas les laisser au feu, il reviendra à eux. Il leur enverra ce que le Saint-Esprit, le Père a promis, il appelle ça le paraclète, le consolateur. Il dit qu'il leur donnera encore un autre consolateur, il demeurera éternellement avec eux. C'est pour cela qu'il faut faire attention entre le Saint-Esprit remplissant quelqu'un et le Saint-Esprit sur quelqu'un pour y demeurer, y tabernacle. Ces deux notions différentes. Donc il faut vraiment faire attention. Me suivez? Amen. Voilà. Alors, je recommence encore. Je crois qu'il y a eu une résonance là-bas. J'ai dit les deux notions d'être rempli du Saint-Esprit et avoir l'Esprit ou l'Esprit qui descend sur quelqu'un ou bien le baptême du Saint-Esprit, comme vous le dites, c'est deux notions différentes. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, vous faites des exploits pour le Seigneur sans en être baptisé. Pour que le Saint-Esprit, je vais revenir cette notion aussi, pour que le Saint-Esprit vienne, parce qu'en fait, il faut que je vous explique ces choses-là. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit déjà, vous ne pourrez plus être libre. Vous êtes emprisonné. Donc, c'est la vraie prison ici. Je ne sais pas ce qu'ici peut expliquer mieux que cela. Votre esprit est emprisonné. Voilà. Alors, donc, vous devenez esclave de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas vous laisser faire n'importe quoi. Je vais avancer là maintenant ce soir. Je ne sais pas si les... Je crois que ça colle un peu là. La sœur Hélène, vous m'entendez bien? Ok. Alors, souvenez-vous de ces deux notions-ci. Le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, c'est deux notions différentes. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans en être baptisé. Et quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, puis peut être rempli du Saint-Esprit. Donc, maintenant, dans Jean chapitre 14, dont le Seigneur fait la promesse du fait qu'il va prier le Père et que le Père leur donnera un autre consolateur. Il dit que je ne vous laisserai pas offrir, je viendrai à vous. Puis il dit que ce consolateur-là est censé demeurer éternellement avec eux. Et le Seigneur Jésus qui dit plus tard, de façon grosso modo, que je reviendrai à vous, je serai même en vous. Donc nous comprenons effectivement, lui, le Saint-Esprit, reviendrait pour habiter et tabernacler dans les croyants. Dans Jean chapitre 7, d'abord, il avait dit, le dernier jour de la fête des tabernacles, ce grand jour-là, il s'est levé là-bas au verset 36 et 37. Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive. Et puis il dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Maintenant, gardez-vous à l'esprit maintenant. Je viens de citer Jean chapitre 7, verset 37 et 38. Maintenant, nous voyons effectivement, vous posez la question, quel moment on reçoit le Saint-Esprit? C'est après avoir cru. Maintenant, d'après ce que le Seigneur nous dit là-bas dans Jean chapitre 7, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves couleront de ses seins, comme le dit l'Écriture. La Bible explique, c'est le Saint-Esprit qui explique la suite. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Mais, gardez-le maintenant entre guillemets. Vous me suivez, le frère Oswald me suit avec Sandrine. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 7, donc, que celui qui a soif, qui vient et boit. Maintenant, vous voyez effectivement que pour que cette soif-ci doit être installée par le Saint-Esprit lui-même, parce que vous ne pouvez pas créer cette soif. Cette soif n'est pas comme vous buvrez d'eau, vous avez un peu de chaleur, comme je l'ai maintenant, et puis vous souhaitez boire l'eau, ou mieux par réflexe de la médecine, où on dit par exemple qu'en France, ou bien du côté de la Norvège, on est à 30 degrés, il faut boire de l'eau pour pouvoir vous parce qu'il y a beaucoup plus de déshydratation. Vous le buvez par réflexe, parce que si vous ne buvez pas, vous allez vous déshydrater. Si ce n'est pas cette réflexe-là que le fait, ça ne marchera pas. En tout cas, du côté du Seigneur. Du côté du Seigneur, il faut être qualifié par lui, pour le faire. C'est pour cela que c'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Cette chose, il va falloir qu'on explique ça de façon doucement et plus en profondeur. Et c'est là où nous allons toucher notre troisième possibilité, la troisième question, notre responsabilité sur la part de ces choses. Parce que nous avons encore une autre chose ici, dans cette direction-là, par rapport au Saint-Esprit. Donc, je recommence encore, je vais vraiment doucement. Jean chapitre 7 nous dit, si quelqu'un a soif et qu'il vient boire, nous voyons effectivement qu'il parle de cette breuvage, il parle du Saint-Esprit. Maintenant, comment avoir soif? Ça, c'est l'objet de ce que nous allons développer plus tard par rapport à la préparation pour le réveil. Maintenant, comment avoir soif? Comment Dieu fait pour créer la soif? Comment savoir qu'on a soif? Parce que c'est ça qui indique le moment qu'il faut y demander. Vous voyez? Il dit, si quelqu'un a soif, notez Jean, Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Notez cela. Merci Père. Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Et Actes chapitre 5, le verset 32. Actes chapitre 5, verset 32. Galates chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 13. Galates, le chapitre 3, verset 1 à 13. Alors, je recommence encore avec la parole du Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Le Saint-Esprit explique maintenant. Il dit cela. Donc, ce qu'il explique, il explique ce que le Seigneur veut dire. Il dit cela de l'Esprit. Quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vient, il boit. La Bible explique qu'en parlant ainsi, il a dit l'expliquer, il a dit de parler de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et on explique donc à cet instant qu'il a dit de parler, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc, on attendait la glorification du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous, on a Jean chapitre 7, il fallait qu'on le tue, qu'il soit glorifié. Et puis, il monte, il répand son esprit sur les gens. Si vous lisez Jean chapitre 1, à partir du verset 19, vous allez voir effectivement comment Jean-Baptiste va dire de lui, quand il va le voir, il dit, voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, la Bible déclare que Jean a rendu de lui ce témoignage que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu fus verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, souvenez-vous que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez, si vous lisez Jean, c'est Jean a dit, celui qui l'a envoyé baptiser d'eau a dit, celui, voici le témoignage de ton ministère. Quand tu vas voir ce signe-ci, que l'Esprit descend et s'arrête sur quelqu'un, c'est celui-là donc qui est l'objet, l'auteur du baptême du Saint-Esprit. Donc, gardez à l'esprit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit d'après le témoignage de l'Écriture. Mais Jésus, dans le milieu de l'Écriture, dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Vous voyez comment lui et son Père là, nous embrouillent, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est lui l'auteur du Saint-Esprit, parce que c'est son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, parce que c'est son esprit qui descend sur les gens. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Voilà, afin qu'il soit un. Parce que si vous n'avez pas l'esprit de Christ, parce que c'est cet esprit qui fait le temps, c'est que nous formons un tout, un corps de Christ. Le corps de Christ, parce que nous sommes imbibés, plongés dans son esprit, imbibés dans son esprit. Alors, je recommence encore. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'esprit n'était pas encore, on dit parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Dans Actes chapitre 1, donc, il est glorifié, parce qu'il marche 40 jours. C'est le 40e jour qu'il a voulu monter au ciel, qu'il a dit de rester à Jérusalem selon la promesse. Notez Luc 24. Verset 49 à 50. 45 à 50 même. Luc, chapitre 24, verset 45 à 50. Donc, c'est dans cette optique-là que les apôtres vont attendre, dans cette perspective, qu'ils vont attendre la promesse. Dans ce livre de Luc que vous avez vu là, dans l'une de ces multiples représentations, quand il va ressusciter, il va les amener à Béthanie, c'est un peu plus haut là-bas, sur ce sommet de montagne. Il va leur dire, en se levant pour monter, il va les bénir. La Bible déclare, il leur a dit, n'allez pas tout de suite prêcher la parole. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez imbibés, plongés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous devez attendre. Je crois que j'en ai parlé, toutes ces choses dans l'une des deux enseignements, la mission impossible, la mission dangereuse, quelque chose comme ça, j'en ai parlé. Donc vous voyez effectivement, le fait que le Seigneur dise à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils soient témoins, comme on lit dans Actes chapitre 1, verset 8, montre clairement que le Seigneur Jésus savait que son œuvre n'est pas une œuvre physique, n'est pas une œuvre charnelle, où on doit faire avec l'intelligence humaine, parce que c'est une œuvre spirituelle. On traite du royaume spirituel, du royaume qui est spirituel, où on traite du Dieu-Esprit. Et par conséquent, c'est son esprit qui doit œuvrer. Oui, effectivement, que toute notre façon de faire, si vous voulez réfléchir n'importe quoi, aller sauver quelqu'un. Imaginez un peu les disciples de Jérusalem essayer de chercher les brebis du Seigneur avec leur intelligence. Ou bien faire un mégaphone pour dire que si vous êtes des brebis du Seigneur, rentrez à la maison parce que Jésus a dit que les brebis entendent sa voix, ils rentreront. Ou vous allez trouver quelqu'un qui va venir comme ça. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il transporte Philippe. Il dit, descende sur la route qui est déserte, celui qui descend à Gaza, sur la route d'Azote. Il descend, il le place là-bas. Il y descend. Il avance, il trouve un monsieur qui sort de Jérusalem où se trouvent les apôtres, qui se trouve le Sanhédrin, la synagogue, les synagogues, le temple. Personne n'a su qu'un élu était là-bas. Vous voyez ces choses-là, frère? Il était venu adorer parce qu'il rentrait chez lui en Éthiopie. Le Saint-Esprit l'a envoyé là-bas, envoyé Philippe là-bas. Philippe a prêché jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Après, l'Esprit l'a enlevé. Donc, Jésus ne vous l'a dit que les choses de Dieu ne doivent pas être faites par notre intelligence. Chaque fois que nous allons mettre l'intelligence dans les choses de Dieu, nous allons y mettre le cancer, nous allons y mettre du poison. Et c'est ça qui a fait donc maintenant qu'on se retrouve maintenant dans différents groupuscules maintenant, ou bien différents groupes, différentes croyances, où chacun peut prendre la Bible, tirer de son côté. Et donc, nous allons dans des différentes objections. D'autres donc pensent, comme le frère Oswald vous l'a dit, que lorsqu'on croit au Seigneur jusqu'à cet instant, nous avons le Saint-Esprit. N'est-ce pas, le frère Oswald? Est-ce qu'il est là? Le frère Oswald est-il là? C'est ce qu'il voulait signifier. J'écoute bien. Ouais, tu m'as suivi, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que certains groupes pensent donc, oui, que lorsqu'on croit au Seigneur, on a le Saint-Esprit automatiquement. Pas vrai? Ah, c'est ça. Ok, maintenant, plusieurs personnes croient comme ça, mais avec raison. Parce que l'une des choses, c'est qu'il faut comprendre le pourquoi on croit ainsi. Il faut comprendre véritablement le pourquoi on croit ainsi. Pourquoi, jusqu'à quel niveau la croyance n'a pas de sens, ou mieux encore, parce qu'en réalité, certaines expériences peuvent être vraies dans cette direction-là. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Ouvrons Actes des Apôtres chapitre 8. Je crois que je vous ai donné ça tout à l'heure. Actes des Apôtres chapitre 8. Quelqu'un a ouvert son robinet une fois de plus. Je ne sais pas qui a ce micro qui est ouvert, qui fait des bruits comme ça. Que cette personne vérifie son micro et ferme le micro. Voilà. Qui a ce micro qui est ouvert, s'il vous plaît, dans ce cas, n'ouvrez pas plus que ce qu'on écrit, ça ne crée pas ce désagrément. Le frère Yannick, tu peux nous lire les versets 12 à 16 de Actes chapitre 8. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le verset 12 à 16. Le verset 12 à 16. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Stop. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur. Soulignez, car ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Vous voyez que nous avons des problèmes ici avec la première croyance que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, mes frères? À partir d'ici, nous avons un problème. Parce que voici les gens qui ont reçu la parole selon la prédication de la croix donnée par l'évangéliste Philippe. Et ils prêchaient, il y avait les manifestations de ce même Saint-Esprit-là. Parce que la Bible déclare que les démons sortaient de quoi en poussant des grands cris. Et donc, Simon le magicien a vu la puissance de Dieu agir dans son ministère. C'est pour cela que lui-même il a cru. Donc, pour qu'un sataniste croit comme ça, il faut l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il croie. Pas vrai? Voici la prédication qui fait des temps, c'est qu'un marabout puisse déposer les armes pour croire au Seigneur Jésus. La Bible déclare, mes frères, la Bible déclare, mes sœurs, que Simon lui-même crut et il a été baptisé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, le voici qui a cru et il a été baptisé. Mais la Bible vous avance en disant, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, soulignez le groupe de mots « recevoir la parole de Dieu ». Souligner. Vous voyez que les questions bibliques de cette envergure, si on ne doit pas répondre ça de façon sommaire, de façon superficielle, il faut rentrer là dans les détails. Maintenant, comme vous avez souligné le groupe de mots recevoir la parole, vous voyez maintenant que la question c'est, qu'est-ce que les Samaritains ont cru? Parce qu'on dit ici qu'ils ont appris que la Samarie, et entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'au verset 12, on commence par, mais lorsqu'il eut cru, on parle de Simon le magicien, lorsqu'il crut à Simon qu'il annonçait la parole de Dieu, ouais, cela, et de la bonne nouvelle et du royaume de Dieu, il dit que homme et femme se firent baptiser. Puis on dit, Simon lui-même crut et ne quittait plus Philippe, voyant le grand miracle et prodiges qui se faisaient au nom du Seigneur. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont entendu que la Samarie ont reçu la parole, que la Samarie avait reçu la parole. J'aimerais que vous y méditez, parce que c'est là que ça se trouve. Vous voyez qu'on a des problèmes avec donner nos vies à Jésus, là, non? On a des vrais problèmes. On n'a pas dit ici que les Samaritains ont donné leur vie à Jésus, parce que ça n'a pas de sens biblique. En réalité, vous m'aimez, mes frères? Profondément. Ok, maintenant, j'aimerais que vous expliquiez, essayez de réfléchir entre recevoir la parole de Dieu et donner sa vie à Jésus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement, là, si on se retrouve sur cette balance-là maintenant, je ne sais pas ce que donner sa vie à Jésus peut dire, peut vous la dire. Mais recevoir la parole, vous voyez que ça veut dire que Dieu vous envoie la parole qui doit vous sauver. Vous voyez ce que ça veut dire en réalité. Souvenez-vous des Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Elle est venue chez les siens. Elle, la parole. Au commencement était la parole. Elle est venue chez les siens. Elle. Et les siens ne l'ont point reçue. N'ont pas reçu la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui ont reçu la parole. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Le privilège de devenir enfant de Dieu. À cet instant-là, on dit. Lesquels sont nés, ces enfants-là, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Où est-ce là, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 3, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas d'esprit, il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, Jacques chapitre 1, verset 18, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous devenions en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a fait naître de nouveau. Afin que nous devenions en quelque sorte. Donc, par la parole de vérité, à ceux, tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir la parole. À ceux qui croient en son nom. Mais lorsqu'il eut cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus, lorsqu'il eut cru, vous remarquez donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 que vous avez noté, verset 11 et suivant, il dit qu'après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1, lisons. Éphésiens chapitre 1. Frère Yannick, courage, je sais que tu as sommeil, que c'est fini à la fatigue, mais ça va aller. C'est déjà le thème si on ne peut pas laisser ça comme ça. Le frère Christian est même là depuis longtemps plus. Ou bien ça, papa Abraham, il est là, il allait faire un chevreau pour les trois invités qui sont venus à la maison. Il est parti dormir, il ne se sent pas. Ouais. Abraham est fatigué sur les chaînes des membres. Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14. On peut lire, frère. 11 à 14. Éphésiens 1. Merci. Bonsoir à la sœur Carole Châtelon. Carole avait deux ailes et Châtelon avait un pronom spécial. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, La sœur Reine, bonsoir. Salut. Installez-vous confortablement. Afin que nous dégustions ce repas ce soir. Partagez autour de la table. Allons-y, verset 11 du chapitre 1 d'Éphésiens. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de, en lui vous avez qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. C'est bon, frère. Lis encore le verset 12 et 13, parce que il ne sait pas ce qu'il va pas faire ses connexions, ça ne parvient pas à savoir, ça saute. Verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Vous voyez effectivement une fois de plus, c'est que le Saint-Esprit c'est une promesse, n'est-ce pas? Mais on dit là, amen, que vous aussi, là il s'adresse aux Éphésiens, il dit vous aussi, après avoir entendu. On répond à la question, à quel moment, quel est le moment où on reçoit le Saint-Esprit? Ici, la Bible répond clairement que c'est après, ça veut dire clairement. Vous avez dit que vous m'aimez, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas entendu la parole de vérité, le Saint-Esprit ne viendra pas de toutes les façons. C'est ce que ça veut dire là. Parce que la promesse, c'est ça, c'est que ça vient par, par la parole de vérité. Vous voyez donc que nous avons un problème avec donner notre vie à Jésus. Nous avons un problème avec donner la vie à Jésus. Ou bien de connaître les quatre lois spirituelles. Ou bien de savoir que Jésus est mort et ressuscité pour nous. On a un problème ici. Alors maintenant, regardez bien. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que il nous a fait, ceux qui l'ont reçu sont nés, non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Vous voyez, ici dans cet Éphésiens, on dit que celui d'après celui qui opère touche selon le conseil de sa volonté. Donc quand il décide dans sa volonté. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, comme j'ai cité tout à l'heure, il dit qu'il nous a fait engendrer, il nous a regénéré, il nous a régénéré, ce qu'il dit là-bas. Il nous a régénéré selon sa volonté, par la parole des vérités, afin que nous devenions en quelque sorte les premiers ces créatures. Donc les types, les premiers apôtres, les premiers chrétiens qui sont nés de nouveau là-bas étaient des types prémices, des prémices pour pouvoir montrer dans la façon dont ils fonctionnent, comme Jacques a entendu dire. Et maintenant, dans Tite chapitre 3 également, la même chose est dit là-bas, qu'il a régénéré, c'est par ce baptême de régénération. Non pas à cause des œuvres que nous aurons faites, mais par sa bonté que lui-même avait voulu. Maintenant, nous avons donc ici des situations qui nous sont présentées. Avons-nous écouté la parole de la vérité? Parce qu'il dit ici que vous aussi, après, je crois que entouré après frère, entouré. On va y revenir. C'est le but de la prédication. Je crois que l'un des frères a dû poster, parce que j'ai demandé qu'on poste le document sur les forums là pour que chacun puisse lire et travailler doucement. Pour que le cœur soit... Il faut que chacun sache là où il s'en se trouve. Et puis je crois que j'ai fini par avoir ma prière partée. Maintenant, regardez bien, il dit vous aussi, après. Vous avez vu après, n'est-ce pas? Je crois que vous connaissez bien ce qu'il veut dire après. On dit, c'est après que vous ayez écouté ou bien entendu la parole de vérité. Il y a une virgule là-bas. On appelle cette parole de vérité, il dit l'évangile de votre salut. Remarquez bien, effectivement, vous vérifiez qu'il y a votre succès dans ces passages-là. Puis je vais dire quelque chose encore. On y va. Vous êtes là. Ah, les frères, si réagissez vite pour qu'on puisse avancer. Ça me brûle là sur le corps. Je pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, dans ces phrases-là? Ah, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, virgule, on a dit l'évangile quoi? Votre salut. Voilà. Votre salut. Entourez votre. Alors, je vous pose la question. Quel est cet évangile? La sœur Claire, de Didas, tu as des problèmes là-bas. Du quoi, j'espère que tu ne pleures pas quand tu donnes l'évangile du salut. Donc, ça ne marchera pas comme ça. Donc, alors, ce que je lui dis, c'est, regardez très attentivement, il est dit l'évangile de votre salut. Écoutez bien encore, ne faut pas que vous me compreniez. Il n'est pas dit l'évangile du salut. Parce que si c'est l'évangile du salut, c'est un évangile général qui fait naître tout le monde de nouveau. Vous voyez? De la manière dont il explique, mon grand frère l'a expliqué ici, il explique aux Éphésiens que lorsqu'on a prêché chez vous, vous avez l'évangile qui vous était destiné pour votre salut, quand vous avez cru en cela, par la suite, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardez maintenant, vous allez remarquer donc partout où le Saint-Esprit est venu. Partout où le Saint-Esprit est venu, où on a prêché, le Saint-Esprit est venu. Vous allez remarquer donc finalement, que ce n'est pas la même prédication qu'on a prêchée. Pas vrai? Amen. Voilà, dans Actes Apôtres chapitre 8, ce n'est pas la même prédication. Dans Actes chapitre 10, où l'apôtre Pierre, Paul était en train de parler, ce n'est pas la même prédication. Dans Actes chapitre 19, ce n'est pas la même prédication. À Éphèse, ici, à Corinthe, ce n'est pas la même prédication. Maintenant, l'apôtre Paul explique aux Éphésiens, il dit l'évangile de votre salut. Vous voyez qu'on a un problème maintenant sur la terre de faire une formule où les gens doivent être sauvés, que tout le monde doit être sauvé de la même façon, parce que nous n'avons pas compris ces choses-ci. Votre qui est dans ces phrases-là change toute la donnée par rapport à cette doctrine-là. Parce que c'est l'évangile spécifique qui a été annoncé aux Éphésiens. Ce n'est pas le même évangile qu'on a annoncé aux Corinthiens qui les a fait sauver. Maintenant, vérifiez ce qu'on annonce à Corinthe. L'apôtre Pierre entre tout simplement, on lui pose la question. Gardez-vous à l'esprit ceci. Il entre, on lui pose la question. Maintenant, il connaît. Quand Pierre entre, il a d'abord vu le nombre de personnes là-bas. Il a vu que dans l'église, il y a beaucoup comme ça, ça criait encore. Et puis, quand l'apôtre, comment s'appelle, le capitaine allait devant lui, il s'est prosterné à partir du verset 24. Il dit non, lève-toi, moi je suis un homme. Il dit ok, dis-moi, pendant qu'ils entrent, ils se conversaient, il dit dis-moi pourquoi tu me fais appeler. L'apôtre, quoi, Cornel lui dit, yes, hier à cette heure-ci de la journée, je me suis tenu là-bas, et puis un ange est venu, il a dit, envoie à Joppé, appelle Pierre. Maintenant, j'ai envoyé, donc, tu fais bien de venir maintenant. Nous voici maintenant réunis devant le Seigneur, dis-nous les paroles que Dieu nous a demandées, Dieu t'a donné de nous dire. Oh, Dieu n'a. Écoutez, mais c'est ça le problème. L'apôtre Pierre demande à Cornel de dire pourquoi il appelle. Vous me suivez, frère? L'apôtre Pierre demande à Cornel de lui dire pourquoi il a fait appeler. Il lui explique comment les circonstances de l'envoi est arrivé. Puis il finit par, nous voici maintenant devant le Seigneur, dis-nous pourquoi, donne-nous la parole que Dieu t'a donnée. Et vous ne voyez nulle part où Dieu lui a donné une parole à donner. N'est-ce pas, mes chers frères? Il n'y a pas une prédication préparée quelque part. Où il va finir, il va dire, maintenant fermez vos yeux, maintenant mettez la main sur votre cœur, que Dieu transforme votre cœur là. Vous sentez comment ça tourne dedans? Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, lorsqu'il a, allons dans Acte chapitre 10, je crois que ce sera bon là maintenant. Où est ma Bible dans cette maison-ci? Acte chapitre 10. Que Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu. Acte des Apôtres, chapitre 10. Verset 13 et suivant. Verset 23 et suivant. Acte 13, frère. Verset. Acte chapitre 10, verset 23 et suivant. Acte chapitre 10, verset 23 et suivant. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornel les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Cornel, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Cornel dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi. Et il dit, Cornel, la prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Arrêtons-nous là-bas. Vous avez vu cette balance de ping-pong entre l'apôtre Pierre et Cornel, n'est-ce pas? Cornel lui a demandé que faites-moi le pourquoi, ou dis-moi pourquoi vous m'avez fait venir. Cornel explique le pourquoi, puis il balance encore à la source maintenant en disant, maintenant Dieu, nous sommes devant toi maintenant, nous sommes devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Maintenant, ça veut dire que ni l'apôtre Pierre, ni Cornel ne sont au courant de ce qui va se passer dans cet événement-là. Je crois que vous allez voir, donc, une fois de plus, que la question, vous avez parlé par rapport à la responsabilité, vous allez voir effectivement que chaque événement du salut et la personne qui annonce pour que quelqu'un soit sauvé et la personne qui est sauvée, ils sont seulement les instruments. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre du début jusqu'à la fin. Maintenant, regardez bien, verset 34. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Stoppons là-bas, frère. Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Vous voyez, en pleine prédication, le Saint-Esprit descendit sur les gens. Vous avez vu quelque chose ici où on a impliqué les gens? Écoutez très attentivement là, c'est délicat là. Est-ce que vous avez vu quelque chose où on a impliqué ou bien il y a un appel de ceux qui écoutent de pouvoir tourner le cœur et bien mettre la main sur le cœur pour pouvoir réciter quoi que ce soit? Est-ce que vous avez entendu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur? Pendant qu'il parlait, l'assistant les regardait comme ça. Pas vrai, frère? Amen. Les gens, vous êtes fatigués ici, là. Amen, amen. Le frère Willy Landro, bonsoir. Bonsoir, frère Gion. Bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir? Je vais bien, je vais bien. Nous traitons du baptême du Saint-Esprit et à quel moment on le reçoit. Bienvenue, tu n'as rien perdu. Amen. Tu n'as rien perdu du tout, d'accord, mon frère? Je viens juste de finir ma journée de travail, oui. C'est pour ça. Oui, et apparemment tu es assez fatigué. Ça va. Ok. Donc, bien le bonsoir, reste juste posé et en écoutant, d'accord, frère? Amen. Voilà. Donc, nous voyons dans ces prédications, si dans ces actes d'apôtre, je peux te dire, nous voyons quand l'apôtre Pierre parle, même eux, ils sont surpris, puisque la Bible déclare que même les circoncis qui étaient là-bas, qui étaient venus, c'est-à-dire les juifs, qui étaient parmi les plus apôtres, parce qu'ils sont six qui ont accompagné l'apôtre Pierre, comme on va lire dans le livre des actes d'apôtre, chapitre 11, les six hommes qui l'ont accompagné sont surpris parce que le Saint-Esprit aussi est descendu sur les païens. Pas vrai, frère? Maintenant, le point, c'est, vous avez remarqué effectivement que cet évangile, ce que l'apôtre Pierre a prêché, n'est pas que. Il n'a pas dit que Jésus est mort et ressuscité pour vous donner votre vie à Jésus. Il n'y a pas ça dans cette écriture-ci, n'est-ce pas? Il en a expliqué seulement que même les prophètes ont dit dans les écritures que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On dit, comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit disant ceux qui écoutaient. Le Seigneur marquait une fin à la prédication de l'apôtre Pierre pour justifier la foi des Cornets et des siens. Pas vrai? Maintenant, allons dans, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, avant d'avancer, allons dans le prochain chapitre des Actes des Apôtres pour lire ce qui est l'esprit de cet événement-ci. Verset 11, 12. Ouais, j'ai une question vite fait. Oui. Le verset 46 dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Oui. Est-ce que ce parler en langue, c'est forcément un signe du... Rentre sur le banc, mais tu peux écouter par là. Continuons ici. Le chapitre 11, là, il rentre dans les enseignements concernant par là, on en a touché. On va y revenir par rapport à cela. En tout cas, quand le Saint-Esprit arrive. Chapitre 11, versets 11 et 12. Je crois que versets 11 et 12. Verset 11. Oui. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Stop. Donc nous voyons effectivement que les gens qui étaient assis là ne savaient pas que au ciel c'était écrit qu'ils devraient être sauvés, pas vrai? Vous avez moi. Hein? Ok. Parce que l'apôtre Pierre dit dans ce verset 14 que quand Cornélie a raconté, il a raconté que l'ange a dit de façon claire que le message c'est que quand il va parler, il sera sauvé. Parce que vous allez poser la question, pourquoi quand Pierre a parlé, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde sans exception? Parce que ces gens étaient prédestinés pour le salut. Donc ceux de la réunion là, c'était une réunion convoquée par le Saint-Esprit. C'est une réunion convoquée par le Saint-Esprit et que personne de ces réunions-là ne pourra sauver, ne se sortir indemne. Voilà, maintenant, essayez d'inviter les gens maintenant à mettre quelque part que vous allez voir pour ce prochain maintenant que le Saint-Esprit descend. Vous voyez que si vous organisez les choses selon l'intelligence humaine, ça ne marchera jamais, pas vrai? Donc, dans le plan de Dieu, tous ceux qui devaient être dans cette maison-là, on dit que toi et quoi? Et toute ta maison. Maintenant, le problème, ce n'est même pas là sur le problème de salut de sa maison. Le problème, c'est la parole par laquelle ils sont sauvés. Et regardez encore le verset 14, je lis encore, frère. Qui te dira? Alors, verset 14 dit, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Dieu merci que nous avons déjà lu les choses que l'apôtre Pierre a prononcées. Puisqu'il dit ici que, le verset 15 continue, là j'étais arrêté, continue en disant que lorsque je me suis mis à parler, parce qu'il a dit au verset 15, n'est-ce pas? Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement, et je me souviens de cette parole du Seigneur. C'est le verset suivant qui dit cela. Alors, où effectivement que l'apôtre Pierre était surpris lui-même de la réaction du Saint-Esprit dans la prédication. Maintenant, gardez encore ce mot-ci, il dit, l'ange a dit, il te dira les paroles par lesquelles, les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Maintenant, je veux que vous regardiez la Bible, dans le chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure. Quelles sont les choses qui ont fait que Cornélie et sa maison soient sauvées dans cette parole-là? Réfléchissez-y. Parce qu'on dit que ce sont les choses que l'apôtre Pierre a dit là, qui les a fait sauver. Vous vous souvenez des actes d'Éphésiens chapitre 1 que nous avons lu, n'est-ce pas? Après avoir entendu, vous avez ça? Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été celui du Saint-Esprit. Donc, le processus-ci s'est accompli ici chez Cornélie. Parce qu'on annonce quelque chose. Il croit. Et maintenant, croit maintenant n'est pas quelque chose de palpable, non seulement pour celui qui prêche, ni aussi pour celui qui en est d'entendre. Parce que c'est le signe du témoignage de que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de ton cœur. Celui qui connaît l'état de ton cœur pour montrer que tu as cru. Même toi-même qui as cru, tu ne peux pas savoir que tu as cru vraiment la vraie croyance. Où est le danger là où on se retrouve, frère? Parce que puisque dans Jean chapitre 8, si vous lisez le verset 30 et suivant, verset 29, 30, 31 jusqu'à 32, jusqu'à revenir là où on va vouloir lapider Jésus, la Bible déclare que quand Jésus, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous gardez mes paroles, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça a commencé là-bas. Et plus tard, il va revenir. Vous m'entendez? Amen, amen. Voilà. Donc, amen. Je commence encore dans Jean chapitre 8. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Mais je veux que vous gardiez le mot, et je l'ai dit plusieurs fois en relevant ça dans les Saintes Écritures. La Bible déclare que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On a un problème là, frère, de la croyance. On dit comme il parlait ainsi. Si vous lisez Jean chapitre 8, dont je suis en train de parler, à partir du verset 29, on dit que comme, prenons cela, frère, prenons. Ne me regardez pas comme ça. Donc en réalité, quelqu'un peut croire qu'il croit, alors que la croyance qu'il croit là, n'est pas la vraie croyance dont Dieu veut qu'on croit. Et en croyant comme ça, tu crois que tu es en train de croire, alors que tu ne crois nulle part. Voilà. Maintenant, on a un problème. Donc, c'est pour ça que vous voyez effectivement qu'il parle de l'authenticité, de genuine, comme je le dis chaque fois. Verset 30, frère, verset 30 déjà, chapitre 8 déjà, ça se trouve là-bas. Gardez rapidement, puis qu'on revienne dans ces paroles de vérité et de salut, parce qu'il faut qu'on trouve le moment là. J'ai donné ma vie à Jésus, l'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne suis plus. Je suis en Christ parce qu'il est écrit que si quelqu'un crée une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est réel alors? La question c'est réel? Si ce n'est pas réel, il faut qu'on revienne sur terre. Alors, Jean 8, verset 30, qu'est-ce que ça dit? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs cru en lui. Stoppons là-bas. Qui dit ça? Qui dit que plusieurs ont cru? C'est terrible ça. Je crois que avec ce bruit là, des mamies ainsi de suite, il va falloir qu'on se donne rendez-vous peut-être dimanche ou autre jour alors, parce que je ne sais pas si vous assimilez même ce que je ne l'ai dit ce soir alors. Vous m'entendez, frère? Amen. Comment on peut en effet comme ça, quelqu'un de préparer le riz sauté? Alors, regardez bien. Le frère vient de nous lire dans Jean chapitre 8, verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qui est en train de donner cette information? Je veux donc qu'on se comprenne. Qui donne cette information? Jean. Comment Jean savait que les gens avaient cru en lui? Si c'est lui qui donne l'information. Pardon? C'est le Saint-Esprit en lui, mon frère. Donc c'est le Saint-Esprit en Jean qui dit qu'ils avaient cru. Alors, maintenant, ça nous pose un problème là maintenant. Jésus-Christ parlait à la foule. Quand il parlait dans un endroit, il quittait dans le milieu, il partait. Vous avez moi? Hein? Il dit quand Jésus prêchait, il prêchait dans la foule, il n'avait pas un endroit où ils arrivaient. Après, il dit que quand, ceux qui ont cru passaient par ici, ceux qui n'ont pas cru passaient par là-bas. Vous avez vu Jésus faire ces choses-là, frère, dans les Écritures? Alors, lorsque le Seigneur prêchait, il prêchait dans la foule, quand il finit la foule, il continue seulement à partir. Mais il dit quand il parlait comme ça, plusieurs crurent en lui. Et les gens sont dans la foule, ils sont mélangés là-bas. Le Saint-Esprit dit que plusieurs ont cru. Donc parmi la foule, plusieurs ont cru. Maintenant, comment les gens qui ont cru étaient? Ou mieux encore, comment on savait ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus? Puisque Jésus ne s'arrêtait pas au milieu de la prédication, que qui a cru en moi? Qui a cru à ce qu'il a dit là-bas? Levez la main. N'est-ce pas, frère? Il y a des gens qu'on envoyait un jour aller attraper Jésus. Quand ils sont allés au niveau du temple, les huissiers, ils sont allés au temple jusqu'à commencer à parler de ces choses, parler des yeux de brebis, ainsi de suite, entendre ma voix, ainsi de suite. Ils sont rentrés comme ça, allés dire aux gens-là que c'est jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Ça les a transformés. Pas vrai. On a dit que toi aussi, vous avez été aussi séduit. On vous a seulement demandé d'aller l'arrêter. Vous n'êtes pas arrêté. Il dit non, on ne peut pas l'arrêter parce que les choses qu'il dit sont les bonnes paroles. Or, cette parole qu'il a de parler, ça a eu des faits sur eux. Ils sont rentrés vers les leurs. Ils sont pas venus vous dire, Jésus, nous avons cru en toi. Nous sommes maintenant tes disciples. Oh non. Nous sommes sauvés par toi. Nous croyons ce que nous avons vu. Ça n'a rien à voir avec la croyance dont parle la Bible. Donc, ouais, effectivement, ce n'est pas en disant que Seigneur, je suis ton enfant. Ton fils n'a pas besoin de courir de toi qu'il est ton père ou bien qu'il est ta mère. C'est automatique. C'est toi qui cours de lui que tu es ma fille. Tu préserves. Pas vrai, mes frères. Bon, pour ceux qui ont accouché, vous pouvez comprendre ce que j'en ai dit. L'enfant dit tout naturellement, papa, maman. L'enfant ne décide pas pour dire que tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon père, tu es ma mère. On force quoi? On ne force pas la paternité. Je peux avancer, frère? Donc, regardez bien encore, regardez le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Les gens croyaient, quand ils quittaient d'un village à un autre, plusieurs croyaient en lui. Maintenant, si vous prenez Jean chapitre 4, quand la Samaritaine a cru, elle allait en ville, elle a raconté les histoires, là, les gens sont venus. Quand Jésus-Christ a parlé, demeuré dans cette ville-là, on dit que le réveil est passé dans toutes ces villes-là. Les gens ont dit que non, femme, nous ne croyons plus parce que, à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous avons vu de notre propre yeux, nous avons cru maintenant. Alors maintenant, ils croyaient quoi au juste? Qu'est-ce que Jésus leur disait qu'ils croyaient? Et comment ils faisaient pour manifester la confession de leur croyance? Vous voyez que ça ne s'agit pas de dire, Seigneur, je te crois aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te prends comme mon souverain. Je te donne ma vie. Je prends ton cœur, je mets dans mon cœur. Change mon esprit. Ce n'est pas cette restriction qui fait que tu sois le croyant. Vous devez recevoir la parole de vérité. Ça doit être adressé à ton esprit. Ce n'est pas adressé à ton esprit. Parce que cette parole qui est en train de prêcher là-bas, si quelqu'un passait le voisin le connaît, ça n'a pas eu d'effet sur lui. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais vous voyez effectivement que le salut ici est prédestiné. Si vous comprenez donc ce qu'il a dit, mais devez entendre ma voix et me suivre. Or, sa voix, ce n'est pas la parole littérale. Le salut n'est pas par la parole littérale. Le salut se trouve incrusté dans la parole des vérités. Comment le Saint-Esprit peut faire cette chose ici pour qu'on puisse saisir cela? Donc, vous lisez la Bible comme ça. Oh, Jésus-Christ, on peut avoir l'accès par la connaissance que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Discutez avec les musulmans jusqu'à ce qu'il les vainque. Jusqu'à est mort effectivement à la croix. Il est sauvé. Tout ce que tu fais là pour défendre Jésus-Christ, là, il ne te connaît même pas. Ouais, on se retrouve. Donc, la parole des vérités. Alors, ici, la Bible déclare que on a dit la parole que les juifs devaient connaître et les siens devaient être sauvés. Mais maintenant, ici, dans Jean chapitre 8, et il dit, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui. Comme il parlait comme ça, plusieurs cru en lui. Alors, qu'est-ce qu'il a parlé pour que les gens croient en lui? Maintenant, regardez maintenant le verset suivant, frère, lisons. Verset 30, encore. Et il... Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité. Non, ça va, c'est bon. Allons au verset 39, 40. Non. Verset 39, 40 jusqu'à 44. Lisons maintenant ces mêmes personnes-là. Parce que la suite montre que c'est à ces mêmes personnes que jusqu'à nous les converser maintenant. Gardez-vous à l'esprit, là. Allons-y. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Et je leur dis, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Stoppons là-bas, frère. Moi, ils cherchent à faire quoi de Jésus? Me faire mourir. Ils avaient fait quoi au verset 30? Ils crurent en lui. Pardon, je veux que vous ouvrez vos oreilles. Ils avaient fait quoi, frère? Ils avaient cru. Et au verset 40, Jésus qui dit qu'il fait quoi? Je veux que vous m'expliquiez comment quelqu'un a cru au Christ, veut le tuer. Je veux que vous m'expliquiez ça. C'était le même. Non. On va rentrer maintenant au verset 30, on va lire doucement. Continuons maintenant, rentrons. On voit effectivement, on a des problèmes ici. Parce que la sœur supplie que quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus qui veut le tuer. Rentrons au verset 30, lisons doucement pour avancer, pour être sûr que c'est les mêmes personnes. Allons-y. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Oui. Nous sommes d'accord que c'est la même personne, ce sont les mêmes interlocuteurs, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé, pas vrai? Amen. Continuons. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, l'heure répliqua Jésus. Nous sommes encore d'accord qu'il a des sadducéens aux mêmes personnes, n'est-ce pas? Continuons. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Stop. Qui m'a fait dire tout à l'heure que frère Junior, tu n'as pas bien lu la Bible, ce n'est pas la même personne. Qui a dit ça tout à l'heure là? Alors, je pose la question avant qu'on avance. Ce sont les mêmes personnes à qui il a laissé frère. Ce sont les mêmes. Alors, non, je pose donc la question. Ils avaient cru donc en quoi? Puisque Jésus lui-même dit ici clairement que il veut le faire mourir parce que sa parole ne pénètre point en lui. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a un style de parole. Et ça doit pénétrer jusqu'à une certaine façon. Il y a une façon que la parole doit pénétrer. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Je crois que c'est quand on s'est encore commencé. Vous m'entendez? Le temps que ça se rétablisse. Vous m'entendez là? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. C'est pas une moyenne. J'aimerais peut-être un équivoque et aussi bien noter une question de là. J'aimerais savoir si, bon, quand je dis s'intéresser, c'était quand la Bible parle de ceux qui avaient cru, est-ce que c'était toute l'audience ou c'était un certain nombre de personnes ou c'était toutes les personnes qui avaient cru ou c'était un certain nombre de personnes? Ça, c'est une question. Oui. En tout cas, dans ce que nous avons vu ici, il est dit au verset 30 que comme il parlait ici, plusieurs crurent en lui. Et la Bible dit maintenant que l'audience est terminée avec le nombre de toute la foule qui était là-bas. Il s'adressait maintenant spécifiquement à ceux qui avaient cru en lui. Pas vrai? C'est ce que la Bible nous dit, non? Amen. 31. Frère Martin lit le verset 31 chez toi, comme le frère dit. Qu'est-ce que ça dit? C'est vrai que j'étais dans beaucoup de passages. Ok, verset, c'était dans le Jean 8, verset 31. Ok. Oh, le Seigneur dit ici. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Donc tu vois effectivement qu'il ne s'adressait plus à la foule, n'est-ce pas, frère? Donc la conversation est spécifique ici avec ceux qui ont cru. Il leur a expliqué. Mais la suite maintenant va nous dire que vous ne croyez pas parce que vous voulez me faire mourir parce que mes paroles ne pénètrent point en vous. Quelles sont les paroles que Jésus est en train de parler et qui ne pénètrent pas dans ces personnes-ci? Vous avez maintenant depuis le chapitre 6, vous pouvez aller doucement. Doucement, vous lisez jusqu'au chapitre 7. Il passe à la fête. Vous allez au chapitre 8, à partir du verset 1, vous commencez à lire les paroles qu'il est en train de dire. Vous voyez effectivement que vous n'allez pas voir Jésus en train de dire que vous devez croire en moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne devez pas ouvrir vos cœurs pour que j'entre à l'intérieur, ainsi de suite. Le Seigneur Jésus parle tout simplement. Et la parole qui est destinée à attraper, attrape. Il dit que ses paroles ne pénètrent pas à ceux-ci, c'est pourquoi il veut le tuer. Mais ma question est, pourquoi quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ veut tuer ce même Jésus? Ou mieux encore, que veut dire croire dont le Saint-Esprit disait ici dans Jean chapitre 8 qu'ils ont cru en lui? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, nous avons un problème si nous ne comprenons pas comment faire pour être sauvés. Quelle est la parole qui fait sauver les gens? Comme Actes d'Apôtre chapitre 11 nous a dit au verset 14 ici aujourd'hui, qu'il te dirait les paroles par lesquelles tu dois être sauvé, toi et ta famille. Voilà une famille qui a été bénie par Dieu, sauvée par Dieu, par prédestination. N'allez pas prendre ça pour arracher que non, c'est la promesse de Dieu. Je vais être sauvé par toi et ma famille, vous allez avoir les mots de tête. Alors, maintenant, regardez que dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, nous avons lu chapitre 10. Si vous faites coller cela avec Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14, nous avons lu, l'apôtre Paul situe que le Saint-Esprit vient sur les croyants après la croyance de la bonne façon par l'évangile, la parole de l'évangile appelée l'évangile de notre salut. Alors maintenant, puis-je dire donc, en répétant ce qui est dit dans les Écritures, que l'évangile du salut qui va t'amener au salut n'est pas le même évangile qui va m'amener au salut? C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que ce n'est pas le même évangile qui est là-bas. Mais il y a des coordonnées du Saint-Esprit à l'intérieur qui vont ponctuer chacune de ces choses comme parole de vérité pour cette circonstance-là. Je crois que ce serait mieux qu'on prenne encore un autre exemple, pas vrai? Avez-vous déjà lu la conversion de l'apôtre Paul? Les prédicateurs qui sont ici, ils vous posent la question, à quel moment l'apôtre Paul a été converti? À quel moment il a cru au Seigneur, si vous voulez? Sur le chemin de Damas, qui est d'accord et qui ne l'est pas. C'est vous qui avez laissé les sujets, c'est en suspens, non? Vous ne voulez pas qu'on parle? Lorsque le frère, oui, il me semble, sur le chemin de Damas, il est pris d'aveuglement, on va dire. Moi, pour moi, il reçoit la parole lorsque le Seigneur envoie son serviteur, je ne sais pas si c'est... Ananias. Ananias. Oui. Et je pense que c'est à ce moment-là, puisqu'il a vu, il a en songe, et quand il s'est manifesté à lui, je pense que c'est à ce moment-là. Quelle est la question que tu as envie de répondre là, frère? À quel moment là, il a cru? Répondre à quel moment? Quand Ananias lui a annoncé, est venu lui faire recouvrir la vie. Ok, vous tous qui nous écoutez sur Bamba Iba, le frère Yannick de Paris, nous, est en train de nous dire que lorsque l'apôtre Paul a parlé avec le Seigneur dans la colonne de nuit, il n'a pas cru au Seigneur. Il est entré dans Damas jusqu'à ce que Ananias est venu lui prêcher et il croit au Seigneur. N'est-ce pas, frère Yannick? C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Non, pas exactement. Ok, dis-nous donc. Dis-nous. Dis-nous ce que tu voulais donc dire. En tout cas, je suis en train de vous poser la question pour que vous voyez ces choses. Parce que vous avez posé la question, quel moment on reçoit. C'est pour ça que je vous ai dit, nous serons obligés d'aller dans les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures qui est la dernière autorité. C'est l'Écriture qui est la dernière autorité. Sinon, on va dire que chez nous, les baptistes, nous pensons comme ça, les pentecôtistes, nous pensons comme ça là. Les expériences des uns et des autres ne sont pas la norme pour les Écritures. C'est l'Écriture qui est la norme qui fixe la dernière autorité. Ouais, n'est-ce pas? Nous venons de prendre le cas de Corneille. Nous avons pris le cas des Actes des Apôtres, chapitre 8, et on va y revenir en plein là, dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous avons vu le cas des Samaritains, nous avons vu le cas des chez Corneille, et nous avons vu le cas des apôtres eux-mêmes, comme Jésus leur a promis, là, que, c'est après que ça va venir. Maintenant, je pose la question, à quel moment l'apôtre Paul a cru? Gardez bien à l'esprit ce que j'en ai dit, à quel moment il a cru? À quel moment? Sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Qui dit sur le chemin de Damas? Lorsqu'il a été visité. Lorsqu'il a été visité. Visité, c'est-à-dire quoi? Qu'elle est tombée de son cheval. Oui. Mmh. Qui encore? Les gens sont silencieux. Ou bien vous êtes fatigué. Peut-être vous avez fait les journées, vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué. Comment, monsieur? Lors de son échange avec le Seigneur. Lors de son échange avec le Seigneur. Explique-nous ça, frère Benjeni. Il vous a dit qu'il y a le docteur. C'est que Dieu te bénisse, mon cher. Lorsqu'il a entendu la voix lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. En fait, c'est lors de cet échange. Voici, il te sera dû de régénérer contre les aiguillons. Mm-hmm. En fait, lors de cet échange-là, c'est d'où, en fait, il a vraiment pris conscience. Qu'il était comme ça en train d'aider le Seigneur Jésus, et que même dans cette Torah-là, c'était en fait le Seigneur Jésus qui était prêché. Quoi. Mmh. Donc, ça, c'est ça qu'il a vraiment cru que le Seigneur était vivant et que ses disciples qui persécutaient n'étaient pas dans le four. Mmh. Donc, c'est qu'il croit vraiment au Seigneur Jésus. Ok, là, à quel moment donc dans cette conversation-là, il croit donc? En fait, cibler la parole ou bien le groupe de mots. Spécifiquement qu'il a fait croire. Non, pas le groupe de mots qu'il a fait croire. C'est-à-dire que d'après ce que je viens de dire, lorsque le moment où il tombe et il converse avec cette personne qui parle dans cette voie-là, et du moment où il se lève pour entrer dans Damas, il a cru dans cette période-là, il a cru, pas vrai? Amen. C'est ça que tu voulais dire, frère Benjeni? Pendant cette conversation, la parole était en train de travailler en lui. Oui. Et tout juste après cette conversation, le travail était en fait accompli. Mmh. Cru. Bon, la question qu'il pose maintenant, il est cru par quoi? Au travers de la vision qu'il a eue du Seigneur Jésus et de la conversation qu'ils ont eue ensemble. Que Dieu te bénisse. Maintenant, allons dans Actes chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose encore. Vous allez voir quelque chose dans la Sainte Écriture. Actes chapitre 13. On n'en a pas fini encore avec mon grand frère, d'accord? On arrive avec lui. Vous devez le connaître. On y va, vous êtes dans chapitre 13. La sœur Linda, de l'île de Chypre, où mon grand fait cette journée plusieurs fois durant son passage pour aller en Italie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Tu vois que même si tu pars dans la synagogue où il a prêché là-bas, en prenant même ses anciens habits là-bas, ça ne fait pas l'onction, n'est-ce pas? C'est que toute personne qui est dans l'île de Chypre, tu vois effectivement que les prédicateurs qui partent en disant qu'ils ont vu la tombe de Jésus, ils commencent à parler en langue là-bas, ce sont les magiciens, pas vrai? C'est que l'église catholique a les saints sueurs avec les autres qui ont le clou de Jésus, que l'église Saint-Marc en France là-bas, quoi, ils disent qu'ils ont le couteau qui a tué Jésus. Ils ont le témoignage entre eux-mêmes que c'est eux qui ont tué Jésus. Parce qu'ils ont tué parce que la personne qui pique, c'est lui qui garde le couteau, non? Mm-hmm. ceux qui pleuraient Jésus-Christ ne savaient ne souvenaient même plus de la pierre ni de trucs. Mais eux qui ont spécifiquement même le couteau, les spies, les lances qui ont tué Jésus. Que Dieu les bénisse. Comme il a dit, Jésus a dit qu'ils rendent témoignage d'eux-mêmes qu'ils sont les tueurs, les fils de ceux qui ont tué le prophète. Ils disent au chat, à la télévision, ils disent que nous avons le Saint-Suel, l'autre dit que nous avons le calice. Ils sont allés ramasser le calice, alors que Jésus-Christ avait ses 12 disciples, personne ne connaît où il était. Ils ont dit qu'ils ont le calice. Continuons. Donc, à chapitre 13, verset 8, mon frère, tu peux lire à partir de verset 8. Écoutez encore ici. Alors, verset 8. Un bruit là. Quand quand vous avez les écouteurs, vous bougez, sachez que quand, dès que le truc bouge sur votre habit, ça fait des bruits, mais vous ne pouvez pas être conscient de cela. Donc, si le micro frotte sur votre habit, ça bouge, c'est, ça fait ce bruit ici. Oui, mon frère, allons-y. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de proconsul. Détourner la foi. Détourner de la foi le proconsul. Oui, oui. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Stop. Dites-moi ce qui a fait que le proconsul croit. Vous ne voulez plus parler. À cause de la foi. À quelle foi? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit quoi là-bas concrètement? Il a cru pourquoi? Il a vu le magicien. L'aveuglement du magicien. Et là, il a cru. Voilà. Maintenant. Est-ce qu'il a cru la vraie croyance? Vous pouvez dire maintenant qu'il a cru la vraie croyance, que tout le monde croit. Donc vous voyez que dans Jean 8, écoutez bien, vous voyez que dans Jean 8, Jésus parlait, on dit que comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. La suite des révélations montre que ceux qui avaient cru avaient fait la mauvaise croyance, pas vrai? Nous avons vu dans Actes chapitre 8 comment la Bible déclare que la Samarie a reçu la parole de Dieu et lorsqu'ils crurent à Philippe qui leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus, ils ont cru. Mais quand le Seigneur a permis que les apôtres viennent, ils ont prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. On voit la croyance là-bas. Nous voyons dans le livre comme nous avons lu là-bas chez Corneille, lorsque l'apôtre Pierre André parle, le Saint-Esprit est venu pour témoigner effectivement qu'ils ont cru au message qu'il était là-bas parce qu'ils ont été sauvés par ce message-là. Ici, nous voyons tout à l'heure, là, Frère Benjamin, nous avons convenu que l'apôtre Paul a cru lors de la conversation avec le Seigneur Jésus-Christ dans cette colonne de nuit. L'apôtre Paul a cru au Seigneur Jésus. Parce que tu ne peux pas être son disciple sans avoir cru en lui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, frère? Là, ça commence par la croyance. Maintenant, nous venons de voir ici, encore une fois de plus, dans ce chapitre 13, que quelqu'un a cru en voyant ce qui était arrivé, étant frappé dans l'autre. Il a dit, mais ça alors, où est-ce là, n'est-ce pas? Alors, vous voyez effectivement que essayer de stéréotyper le message pour que les gens croient, vous êtes fait de la sorcellerie. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué parce que les gens, il y avait un pasteur qui croit en Côte d'Ivoire que quelqu'un m'a posé la question. Il a dit que donc, si tu finis prêcher comme cela, tu vas faire comment pour que les personnes croient? Mon rôle, c'est même pas de savoir qui a cru. Lui connaît qui a cru. Vous voyez cela? Si vous lisez Actes d'Apôtre, chapitre 13, chapitre 17, encore, lorsque l'apôtre Paul va voir les Athéniens, il va leur dire. Je crois que c'est chez la sœur, elle est là. La sœur, elle est en train de bouger. C'est elle que c'est bouge là. Il va leur dire que je vous trouve extrêmement religieux car en parcourant votre vie, en regardant les objets de votre dévotion, j'ai même trouvé une stèle ou un objet sur lequel elle a écrit à un Dieu inconnu. Après leur avoir annoncé comme ça, quand elle a parlé de la résurrection, les gens ont arrêté la prédication. Ils ont dit nous t'entendons là, je suis pour une autre fois. Pas vrai, frère? Mais la Bible déclare, là, le verset suivant nous dit clairement. Cependant, quelques-uns crurent. Allons-y là-bas, à chapitre 17. Vous allez voir. Vous allez dire à quel moment on reçoit le Saint-Esprit. On va voir. Actes des Apôtres, chapitre 17. Quel verset? Notez du verset 16 jusqu'au verset 33. Mais ce n'est pas là où on va lire. Parce qu'il faut qu'on aille droit au but. Oui, le verset 16 jusqu'au verset 34. Mais nous allons prendre notre verset du verset 30 au dernier. Donc, notez le verset 16 jusqu'au verset 34. Mais nous allons lire le verset 30 au verset 34. Allons-y, frère. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Stop. Vous avez vu comment la prédication s'est arrêtée, n'est-ce pas? On dit, puisqu'on l'a pris, si vous regardez à partir du verset 16, on l'a pris, on l'a mis à l'aéropage, c'est un lieu élevé là-bas où les gens se restaient pour prêcher n'importe quoi là. Quand il a fini comme ça, il s'est retiré du milieu d'eux. Maintenant, la prédication s'est arrêtée, ce n'est pas la porte qui a arrêté, ce sont eux qui ont arrêté. Stop, arrête, c'est toi que tu fais là. Pas vrai? Maintenant, le verset 34 dit quoi? Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Fin des citations. Alors, vous allez donner une raison au Saint-Esprit. Vous allez donner une raison à la parole que nous avons prenée avec nos prédications aujourd'hui. Où nous voulons forcer les gens à donner leur, ce qu'on appelle la confession de la foi, que c'est ça qui va montrer que tu as, que vous avez des problèmes. Parce qu'aucune prédication de la Bible ne ressemble à ce genre de prédication qu'on fait aujourd'hui. Voilà donc pourquoi les gens sont remplis croyant qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne sont pas en réalité. Parce que vous ne pouvez pas faire que quelqu'un devienne chrétien, ça n'est pas possible. Maintenant, je pose la question, quel est l'élément dans la prédication de l'apôtre Paul qui a fait que ceux-ci croient? C'est là le problème. Qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a fait? Puisque les gens ont dit, nous t'entendons là-dessus, d'autres se moquaient de lui. Or, il a seulement compris en disant que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans le monde, dans le temps fait de main, ne point servir par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui produit en nous, et ainsi de suite. Après, quand il est arrivé, c'est là, on dit, ok, on te voyait venir dans ta prédication. C'est ça que tu voulais arriver. On connaît Dionysus, on connaît Osiris, on connaît Zeus. Donc, on connaît tes philosophies, là, t'as pas là. On connaît déjà ça depuis, mais ça de côté. Cependant, quelques-uns s'attachaient à Paul et crurent. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Ceci, le Saint-Esprit dit qu'ils ont cru. Ils sont attachés à Paul. Même chose à Corinthe. L'apôtre, le Seigneur va dire, reste dans cette ville-ci, car j'ai un peuple nombreux. Vous lisez le chapitre 18. Car j'ai un peuple nommé Paul, ils ne feront point de ma personne, ils mettront la main dessus. Il parle. Il a prêché pendant plus d'un an et demi. Les gens, de telle enseigne que les gens, beaucoup de personnes, ont reçu la parole. Alors donc, pour savoir d'abord à quel moment on reçoit le Saint-Esprit, il faut qu'on comprenne comment on fait pour que les gens qui reçoivent le Saint-Esprit puissent le recevoir. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul lui-même, mon grand frère, a cru sur le chemin de Damas. Mais c'est par la suite qu'il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, mes frères? Amen. C'est ce qui est écrit. Ok, maintenant, regardez encore Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12 à 16, que nous avons lu dès le départ ici. La Bible déclare que les Samaritains avaient vu, avaient cru à Philippe qu'il annonçait la repentance, enfin, le royaume de Dieu. Hommes et femmes, après avoir cru, se firent baptiser au nom du Seigneur. Puis on dit les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, envoyèrent Jean et Pierre afin qu'ils prient pour eux. Vous voyez, on touche la deuxième question que quelqu'un a posée. Peut-on prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Oui, parce que ce verset, le verset-là le dit. Le verset de l'apôtre Paul également le dit. Parce que la Bible déclare, avant que l'apôtre reçoive le Saint-Esprit, le Seigneur apparaît en vision à Pierre, quoi, à Paul, pour dire effectivement d'aller prier pour que, en lui imposant les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que l'imposition des mains n'est pas une fortune, ou bien le rien de prier, ce n'est pas quelqu'un qui décide que non, prions pour le Saint-Esprit. Vous faites ces choses-là, et notre esprit va se manifester. Il vous le dit, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne viendra jamais faire accomplir quelque chose qu'il n'a pas initié. Vous voyez, là, on se retrouve, frère, on est mal barré. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on retourne à la parole. Regardez bien encore une fois de plus. Le Saint-Esprit. La deuxième question, c'est, peut-on prier pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? La réponse est oui. Mais pas par n'importe qui en tout cas. Voilà ce que le Saint-Esprit enseigne. Voilà ce que la parole enseigne. Oui, on peut prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Oui, mais pas par n'importe qui en tout cas. Un évangéliste ne le ferait pas. Un pasteur ne le ferait pas. Un docteur ne le ferait pas parce que ce n'est pas de son domaine de territoire. Ce n'est pas de sa territoire de compétence. Il ne le ferait pas. On a des problèmes. On a des problèmes. Comment la sœur Laura, phrase de visage comme ça. Et vous avez dit de ne pas qu'on m'aimait, non? Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, mon frère, je pouvais dire une question, oui. Mais en même temps, c'est possible une intervention. Oui. J'aimerais, ma question déjà est celle-ci, oui. C'est de savoir que à quel moment est-ce que les apôtres du Seigneur ont cru en lui? C'est ma question. Ça, c'est ma question. Bon, après, j'ai un passage que j'aimerais qu'on lise. Si oui, possible. Ok, je réponds directement. Chaque apôtre du Seigneur, dès que le Seigneur les a appelés, ils ont cru en lui. D'accord? Ce que tu dois savoir déjà dans les Écritures, c'est qu'ils ont marché avec le Seigneur plus tard avant d'être appelés comme apôtres. Tu as remarqué cela, frère? Oui. Voilà. Donc, souvenez-vous, dans le livre de Luc au chapitre 6, vous lisez à partir du verset 12, la Bible déclare que Jésus est monté sur la montagne, il a prié Dieu toute la nuit. Et quand il est descendu parmi ses disciples, il en choisit 12 qui devaient être avec lui, qui les appelait par apôtres. Mais avant cela, ils ont été appelés. Donc, chaque personne, quand le Seigneur, la promptitude de leur réaction par rapport à son appel montrait clairement qu'ils avaient cru en lui. Ils n'ont pas hésité. Quand l'apôtre Pierre, dans le livre de Luc, chapitre 5, il a fini de prêcher, tirer la barque, la Bible déclare qu'il a déposé tout là-bas pour le suivre. Alors maintenant, il en était de même pour Jean, les deux fils de Zébédée. Mais au chapitre 10 de Marc, verset 28, il dit, là, quand le Seigneur va parler des hommes riches, de leur difficulté à entrer dans le royaume, il dit, maintenant, c'est Pierre qui a dit cela encore, mais maintenant, nous avons tout quitté. Vous voyez, effectivement, ça veut dire qu'ils n'ont pas resté quoi que ce soit, ils sont allés à Jésus sans réserve. Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus a dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ainsi de suite, ne gagne dans cette vie-ci, au centuple, avec des persécutions, et au final, finit la vie éternelle. Donc, tous les apôtres avaient cru dès leur appel. D'accord, mon cher? D'accord, mon frère. Voilà, donc, le passage que je disais qu'on puisse lire, c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, oui, verset. Encore la connexion là. Allô? Vous êtes là? Est-ce que cette connexion, si peut me permettre de finir cet enseignement sur aujourd'hui? L'audience à qui le Seigneur s'adressait quand la Bible mentionne le fait qu'ils ont cru et qu'ils n'avaient pas effectivement cru. Je veux revenir sur ce passage pour susciter, non seulement un questionnement mais personnel et avoir davantage des éclairages. Mais je bénis déjà le Seigneur pour tout ce qu'il a dit. C'est vraiment très, je suis très éclairé. Je vais lire à partir du. Je vais commencer. Je vais le lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 1, si c'est préférable. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans le terme où je vous ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comment je l'avais aussi reçu. Amen. Amen. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les études, il est apparu à Séphard, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux, il m'est aussi apparu, moi, comme l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Amen. Donc, déjà, je veux savoir, peut-être je veux être dans le classement. L'apôtre Paul, quand il parle ici, effectivement, il parle après la résurrection du Seigneur. Et il dit, le Seigneur a apparu, c'est vrai, les premières personnes qui l'ont vu, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, bon, il y a les Marie, les Magdala, mais ici, le Seigneur vient de parler en termes de responsabilité. Après Marie, Magdala, Marie, mais Jésus, il y a Pierre, et la Bible appelle Stéphane, et il y a eu Jean, il y a eu après 500. Et les 500 personnes dont la Bible parle, que Jésus, qui ont vu aussi le Seigneur, après les 12, là, c'est clair que c'est... Bon, dans les évangiles, à moins que je me trompe, mais dans les évangiles, on parle ça, c'est avant la montée de Jésus. Si je ne me trompe pas, frère. Ça c'est avant la montée au ciel, puisque la Bible déclare clairement, il en dit ici qu'après être apparu à eux tous, il est aussi apparu à lui, parce que c'est 30 ans plus, presque 30 ans plus tard qu'il apparaît à l'apôtre Paul. Donc tu vois effectivement que c'est après cela qu'il s'est révélé à l'apôtre Paul, après qu'il ait fait cela. Or, dans chapitre 1, la Bible déclare que pendant ce jour, il a apparu avec Jean pendant 40 jours, et c'est le 40e jour qu'il est monté au ciel, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que l'événement que l'apôtre Paul lui a raconté, c'est pendant dans cette période de 40 jours où il a été ressuscité. Où il était sur la terre. Ma question qui en ressort est celle-ci. Est celle de savoir beaucoup plus particulièrement concernant les 500 personnes. Parce que si on va regarder l'attitude ou la réponse, on pourra dire que en vue de l'attitude et de la réponse pour certains, on pourra dire qu'ils n'ont pas cru. Parce que quoi que les apôtres ont mangé avec le Seigneur 3 ans et demi, oui, pendant son ministère, il a œuvré. On a vu quand même qu'ils l'ont régné quand l'adversité est venue. Mm-hmm. Beaucoup, ils ont fui et un certain nombre de choses. Mm-hmm. Et le Seigneur a dit d'avance qu'il avait déjà prié pour eux parce que le diable voulait les cribler comme du froment. Mm-hmm. Donc, et on voit bien après que quand le Seigneur ressuscite, effectivement, il les apparaît comme pour leur donner qu'on peut faire signe que moi je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Restons sur les 500 là. J'ai l'impression qu'il y a une bonne question que tu veux poser là-bas. Pose ta question véritablement. Quelle est la question? Ma question concernant les 500 personnes, c'est de savoir que est-ce que ces 500 personnes, ce ne sont pas aussi les gens qui étaient dans l'audience de Jésus lorsqu'il prêchait? Parce que est-ce que le ministère de Jésus n'a pas touché les 12 ou voilà. Les 11? Voilà. Non, c'est intéressant, ça va, c'est bon. Dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? On va lire deux passages qui vont sceller cela. Révisons encore ce 1 Corinthiens chapitre 15, dont tu as dit, lis toi-même à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y. Ok. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez pris en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Séphard, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Stop. C'est ça qui fait que lorsqu'on lit, on ne saisit pas ces choses. Il est apparu à qui? Souligne le mot frère, et puis on va en parler. Oui, c'est déjà. fait déjà ce bien. Ok, donc maintenant, que veut dire frère dans le langage de Paul? Des personnes qui ont une même communion, qui ont même Seigneur. Voilà, maintenant ici, il s'adresse aux Corinthiens, pas au peuple juif. N'est-ce pas, frère? Oui, bien sûr. Ok, il s'adresse aux Corinthiens, ça veut dire que le contexte de la fraternité en tant que juif est exclu. N'est-ce pas? Oui, ça veut dire que les 500 personnes qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ et sont membres de son corps, pas vrai? Donc ça veut dire que ce sont les gens qui ont cru au Seigneur Jésus pendant que le Seigneur Jésus était sur là. Parce que partout où il passait, les gens croyaient en lui. En Samarie, la foule a cru en lui. Donc il s'agit ici des 500 personnes qui avaient cru au Seigneur. Parce qu'en réalité, ces personnes, ouvrons encore Actes des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir de quoi il est question. Ces témoins-ci, là, ces gens-ci à qui Jésus apparaît. Jésus, notre Seigneur, n'apparaissait pas à tout le monde. Que non. Il avait, c'est prédestiné encore une fois de plus. Lisez le verset 40 et 41 du chapitre 10. On a lu ça aujourd'hui. Regardez ce que le verset 40 et 41 disent avant qu'on avance par rapport à quel moment on reçoit le Saint-Esprit. Vous y êtes, lisez le verset 40 et 41. Acte 10, verset 40 et 41. Oui. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité. Stop. Je pose la question. Quelle était la condition pour que Jésus-Christ apparaisse à quelqu'un après sa résurrection, d'après ces passages? Ceux qui ont mangé et bu avec lui. Non, non, pas seulement ça, parce que c'est un autre groupe là-bas. Que ma personne soit prédestinée. Non, non, d'après. Quel est le mot? Voilà, donc l'apôtre Pierre dit ici, et il analyse exactement ce que l'apôtre Paul a dit de l'autre côté. Mais l'apôtre Pierre parle puis spécifie de façon claire qu'en réalité, pour le témoignage, ils ont mangé, bu avec dedans, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu, ils étaient ensemble, ils ont communié ensemble. Mais on ne donne pas le renseignement de ce qu'il a fait avec ceux, les 500-là, les autres avec qui il a apparu, parce que le Saint-Esprit ne s'est pas focalisé là-bas, mais on nous a donné le renseignement. Mais ce que l'apôtre Pierre nous donne comme renseignement, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, que les témoins étaient choisis d'avance par Dieu. Et la Bible déclare que Dieu n'a pas permis qu'il apparaît à tout le peuple, après sa résurrection, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc ces personnes-là, pour que Dieu, Jésus se révèle à eux, c'était prédestiné par Dieu, préparé par Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas préparer quelque chose pour le plan du diable ou bien pour la gloire du diable, c'est pour sa gloire. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul les appelle ici 500 frères. D'accord, frère? Amen. Voilà. D'accord. Oui. Ça c'est vraiment. Et ma question était celle de savoir, ces frères, est-ce que c'est pendant la résurrection de Jésus? Non, ça ce sont les gens qui ont... L'apôtre Pierre, si on lit la chronologie de ce que l'apôtre Paul a dit de raconter, il a dit de raconter l'histoire quand Jésus est ressuscité, durant son ministère terrestre après la résurrection. Parce que durant tous ces jours-là, il a parlé des choses qui concernent le royaume. C'est durant ce moment-là qu'il s'est manifesté à ces 500 personnes, avant de monter au ciel. Parce que durant les 40 jours, il a fait beaucoup encore dans le ministère de l'enseignement. C'est pas ça, frère? Donc, en résumé, ces 500 personnes-ci, cette apparition à ces 500 personnes-ci, c'est lorsque l'apôtre Paul n'était même pas encore parmi les disciples, c'est quand il est ressuscité des morts juste avant son ascension. Donc, c'est du moins, il est mort dans l'intervalle du temps où il est mort ressuscité et au moment où il part au ciel. Parce que après cela, il a apparu aussi à Jésus, à l'apôtre Paul, pas une fois, pas deux fois. Il lui a apparu, il est descendu. Il lui est apparu. Il est apparu à Jean aussi, à l'île de Palmos. Il est apparu à Jean, à l'apôtre Paul, dans sa prison. Mais ce n'est pas cette apparition, avec son corps ressuscité, dont il est question. Ici, dans ce 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de résurrection, de présentation avec le corps de résurrection du Seigneur Jésus. Oui, vas-y, frère. Encore la connexion, là. Allô? Éclairage, c'est très mal, parce que moi, nous avons une petite ambiguïté là. Oui, allô? Oui, vas-y. Je bénis Dieu, le Seigneur, par rapport à l'éclairage, parce que c'était très important pour moi de savoir. Et je vais continuer dans le passage de Jean, le chapitre pratique verset 22. Chapitre, là, chapitre. Pour toucher aussi Jean chapitre 21. Jean 20, 22, là où il souffle qui reçoit le Saint-Esprit. Oui. Oui, c'est mieux même, c'est parce que au 22, ça explique juste réellement la scène. Mais on va voir qu'un peu plus haut, il y a tout un événement qui se passe. Mais à partir du verset 22, la parole du Seigneur va dire, ou même le verset 19, ça pourra donner là. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Bon, ça, c'est un point dans le livre de Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, à partir du verset, bon, du moins, acte 1, verset 1 jusqu'à 9. Je vais lire particulièrement le verset 9, du moins le verset, à partir du verset 6. Les apôtres venus lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître dans où le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité, mais vous, vous recevrez la puissance, une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités. Donc, frère, j'ai une question oui. qui se lève de cette passage, parce que, effectivement, dans à moi que je me trompe, dans le développement que vous étiez en train de donner tout à l'heure, c'était pour expliquer que effectivement, les apôtres du Seigneur ont reçu le Saint-Esprit pendant la chambre, donc la prière à la chambre haute, à la Pentecôte, chose que, effectivement, moi, dans mon esprit, je suis d'accord. Mais j'aimerais un peu comprendre ce qui s'est passé quand le Seigneur, dans Jean 20, rencontre les apôtres. Et puis, après avoir parlé avec eux, il a dit de recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'était l'annonce ou bien c'était une évidence. Donc, j'aimerais aussi... très bonne question. Maintenant, vous allez mettre, comme tu as mis en relation, Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, c'est Jean chapitre 20, verset 22. Puis, il faut aussi ajouter Luc que j'ai donné là. Vous pouvez mettre dans un cercle pour les mettre ensemble. Il faut le lire ensemble. Luc chapitre 24, verset 40 à 50, comme on a cité là. Mais maintenant, je réponds à ta question. Parce qu'en réalité, plusieurs personnes maintenant se basent sur ces versets. C'est pour dire que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Il faut que vous sachiez bien, pour le moment, tant que Jésus est sur la terre, le Consolateur ne vient pas. C'est aussi simple que possible. Allons-y. Jean chapitre 14, ouvrons Jean chapitre 14. Je crois que ça sera réglé le problème maintenant là. Il faut qu'il quitte la scène. Quel verset, frère? On y va. Jean chapitre 14. À partir du verset 16. Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Mmh. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Micario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. Voilà. Jésus, c'est bon, ma soeur. Donc, nous voyons effectivement dans ces Jean chapitre 14 que le Seigneur Jésus est en train d'annoncer le consolateur, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez le chapitre 16 maintenant. Chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Vérifie que les autres personnes ont déjà ouvert des livres. Si vous avez, il y a des Louis II là-bas, il y a des Darby, il y a d'autres là. C'est bon, mes frères. Verset 7. Je crois qu'ils sont déjà ouverts. Ils ont déjà ouvert. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Stop. Mais si je... Oui, allons-y, oui, fini, verset. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok, stop là-bas. Je crois que ce verset-ci siffle la fin définitive entre Jean 20, 22 et Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Pas vrai? Amen. Maintenant, voici Jésus dans Jean 20, 22, effectivement, parle, il souffle sur le disciple. Recevez le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vivent maintenant, ok, comme il a dit comme ça, les disciples ont reçu. Jésus, lui, il a dit au chapitre 16 que s'il n'y part pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut qu'il parte avant de l'envoyer. Or, il est là-bas avec eux, dans ce Jean 20, 22. Dans ce Jean 20, 22, parce qu'il parle jusqu'à ce qu'il finisse avec eux. Au chapitre, parce que Jean 20, 22, l'événement ne finit pas seulement là-bas, ça continue dans Luc. Vous regardez dans Luc au chapitre 24, jusqu'à ce qu'il quitte la scène. Écoutez encore une fois de plus, le consolateur ne devait venir de façon solennelle d'abord qu'à la Pentecôte. Il fallait que ça vienne le 50e, pas vrai? Alors donc, ça veut dire que là-bas, c'est le Seigneur en train de réitérer la promesse qu'ils vont recevoir. C'est pour cela que Luc chapitre 24, donc, il dit que attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Or, remarquez bien dans ces Jean 20, 22, comme le frère était en train de le lire là, après, avant d'arriver à Jean 20, 22, il a dit que comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Or, quand il a dit moi je vous envoie, les disciples ne sont pas allés là-bas. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit même que le Père m'envoie, moi je vous envoie. Il n'a pas dit je vais vous envoyer. Il dit je vous envoie. Il parle à cet instant-là. Mais les disciples ne sont pas partis là directement. Or, quand il dit je vous envoie, il dit dans Luc chapitre 24, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 1, il dit que quand ce Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez donc mes témoins à Jérusalem. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que le frère Martin, ça va, non? Frère, je t'écoute. J'ai dit, moi, je ne suis pas d'un avis contre. Non, attention, quand il répond justement de façon générale, parce qu'il y a des gens qui ont des idées là-dessus en disant effectivement que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. D'accord? Je ne suis pas d'un avis contre. Je voulais juste savoir, mon interrogation était celle de savoir, est-ce que ce qui s'est passé avec Jésus et les apôtres, c'était quelque chose d'effectif ou c'était l'annonce de quelque chose? C'est la confirmation de la promesse. C'est la confirmation de l'annonce que Dieu leur a faite déjà comme promesse. Parce que regardez bien, chaque fois qu'il faut lire cela dans Jean 20, 22, prenez toujours Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16 avant d'arriver à Jean 20, 22. Puis vous continuez dans Actes des Apôtres et autres là-bas. C'est une chronologie, ce sont des choses que Dieu allait réitérer. Pourtant, il vient de dire ici dans Jean chapitre 14, enfin, chapitre 16 par rapport au consolateur qui va venir. Pourtant, dans Jean chapitre 14, il a parlé longuement là-dessus. Il revient encore dans Jean chapitre 16, là, comme on a lu là. Il dit que tant que je suis là, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que tant qu'il ne m'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Il a bien expliqué le consolateur, c'est l'esprit de vérité que vous allez recevoir qui sera en vous. Donc le consolateur ne peut pas être là alors que Jésus est là. Donc en clair, les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans le 20 Jean 20, 22, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Allô, frère. Oui, c'est qui? Rizienne. Rizienne, la soeur Rizienne, bonsoir. Bonsoir, frère. Bon, je voudrais poser une question de savoir, est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit seul dans la chambre? Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre seul. Donc, c'est la question que je pose. Les apôtres ont reçu avec qui dans la chambre? Allô? Qui veut qu'il soit dans la chambre avec qui? Tu attends. Je ne te suis pas bien. Tu vas bien me suivre. Tu voudrais qu'il soit dans la chambre avec qui avant de recevoir pour que ça soit bon? Oh. Je ne sais pas ce que je voudrais savoir. Non, suis attentivement à la question. Tu dis qu'il y a des gens qui disent que, par exemple, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre. Mm-hmm. Mais les apôtres ont reçu ça. Les 120 là, ils étaient où? Dans la chambre. Mais tu veux, pourquoi tu poses la question? S'ils sont dans la chambre, pourquoi quelqu'un ne doit pas recevoir dans la chambre? La chambre, parce que c'est pas les. Ils étaient nombreux. Ok. Moi, donc, je parle de l'histoire. Ah, non, je comprends maintenant. Donc, il faut qu'ils soient nombreux. C'est ça, hein? Je crois qu'il serait bien de continuer dans cette lancée. À quel moment on reçoit toutes ces questions? Je comprends tout ce qui est tout. On va voir cela. On peut continuer? Si vous le voulez bien. Amen. Ok. Donc, je résume tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 7, où le Seigneur dit que c'est quelqu'un à soif qui vient et qui boive. C'est celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. Puis le Saint-Esprit dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus notre Seigneur n'avait pas encore été glorifié. Par la suite, nous avons lu plusieurs versets au passage. Et nous avons vu effectivement, en prenant le thème du jour, quand est-ce qu'on reçoit effectivement le Saint-Esprit. On a vu effectivement que les gens enseignent, à tort ou à raison, que lorsqu'on croit automatiquement dans le Saint-Esprit. Et nous sommes allés. Le Saint-Esprit nous y a conduit. Dans chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, nous avons vu effectivement que les gens ont cru lorsque Philippe l'évangéliste annonçait la bonne nouvelle. Lorsque Philippe l'évangéliste annonçait la bonne nouvelle, il délivrait les gens. Il guérissait les paralytiques, marchait. Mais il ne lui avait pas été donné d'imposer les mains pour que le Saint-Esprit vienne sur les gens. Et la Bible déclare donc, lorsque ceux apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samaria avait reçu la parole, il y a envoyé Pierre et Jean afin qu'ils priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Parce que on dit, le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Maintenant, dans ce boulevard de chapitre 8, verset 12 à 16, la Bible ne nous dit pas quelle est la durée où la nouvelle a quitté la Samarie pour retourner à Jérusalem, ni la durée de réaction, le temps de réaction où les apôtres ont réagi pour pouvoir descendre en Samarie. On ne nous donne pas la durée. Donc, en clair, les gens ont cru au Seigneur Jésus-Christ en Samarie. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, ils ont cru, ils ont été sauvés. Ceci montre clairement que vous devez comprendre que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui sauve, mais c'est la parole en laquelle nous croyons qui sauve. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons lu également chez Corneille, au chapitre 11, il est dit, cette personne, si tu dirais les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui sauve. On est sauvé d'abord. Et puis, l'incorporation ensuite, si on est du groupe des incorporés. Maintenant, et donc, nous voyons que si quelqu'un dit donc que lorsqu'on croit en le Saint-Esprit, c'est qu'automatiquement, tous ceux qui ont cru ont le Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on a des problèmes. Parce que ceux qui étaient sous Jésus croyaient en Jésus. Mais ils ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit parce qu'il y avait un temps marqué pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait être donné lorsque le Messie quitterait la scène pour être glorifié. Étant glorifié avant de répandre le Saint-Esprit. Parce que c'est son esprit glorifié. D'accord? C'est pour la glorification de ses fils, donc la rédemption. Alors, nous avons vu également à plusieurs reprises le problème des croyances. Et ici, le problème des sauvés par la parole des vérités. C'est là où nous trouvons là maintenant. C'est là où nous nous trouvons. Avant qu'on entre dans ces questionnements que nous avons eus par le frère dans 1 Corinthiens chapitre 15. On peut avancer. Mais, okay. En lisant tout à l'heure. J'ai une question. Oui. Je vais un peu revenir sur ce que la sœur vient à poser comme question tout à l'heure. Parce que c'est une question qui nous a un peu divisé ici. Quoi. Ça vous divise pourquoi? C'est dans le baptême du Saint-Esprit. Et parce que, en fait, moi, ce que je disais ce jour-là, c'est que le baptême du Saint-Esprit, il faut déjà se questionner par rapport au si on a vraiment reçu le baptême. C'est, en tout cas, l'enseignement de ce soir va nous mettre au clair. Parce que c'est là où on va sortir. Attendez seulement, on arrive. Oui, vous passez pas, ma soeur. Parce que, en fait, comme la soeur disait tout à l'heure, beaucoup disent qu'ils ont reçu, par exemple, le baptême du Saint-Esprit dans la chambre seule, en priant. Ne t'inquiète pas, on va arriver. Oui, mon frère, bon, je voulais juste avoir plus, juste un peu plus. Laissons la chambre seule où ils ont prié. Maintenant, puis-je rappeler que le Saint-Esprit n'est pas distribuable comme du pain, comme on le fait dans les assemblées? Puis-je le rappeler maintenant? Alors, ça veut dire que le problème n'est pas le charme. Le vrai problème, c'est même au milieu de l'assemblée, on dit ce qu'on dit. Souvenez-vous, j'ai dit quelque chose, peut-être vous n'avez pas prêté attention. Vous avez dit, il y a la deuxième question qui dit, peut-on prier pour les gens qui reçoivent le Saint-Esprit? J'ai dit oui, mais pas n'importe qui en tout cas, pas vrai? Amen. Mais ça nous pose pas problème que de dire pas n'importe qui. Je vous pose la question. Pourquoi l'évangéliste Philippe n'a pas prié pour les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Pourtant, il a le Saint-Esprit en lui. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Il guérit les gens au point où même les magiciens abandonnent la magie à cause de la puissance qui est sur lui. Pourquoi le même Saint-Esprit qui est sur lui attend que ce soit les apôtres qui viennent pour imposer les mains? Pourquoi? Vous avez réfléchi là-dessus? Parce que, en fait, ma question était de savoir. Non, c'est pas ta question, c'est le cadre général. Il connaît la question, ne t'inquiète pas, ma soeur. Écoute ta question. Quand tu le Saint-Esprit, ça brûle comme ça, là, ne t'inquiète pas. Parce que vous avez posé la question sur le cadre de la chambre. Je vous pose le cadre. C'est même le vrai problème se trouve même au niveau de l'assemblée lorsqu'on y en a beaucoup. Lorsqu'on prie là, vous pouvez donc dire que ce sont le Saint-Esprit, donc là, le Saint-Esprit que les gens reçoivent et fait tout et font tous ces gaffes là en régnant la parole même avec l'esprit qu'ils reçoivent. Vous pouvez témoigner des écritures que c'est le Saint-Esprit que ceux-là ont reçu. Tout en régnant la parole. Moi, ça m'amène à une question. Sans couper. Oui. Et ça m'amène vraiment à une autre question. J'aimerais savoir donc, est-ce que. Bon, c'est parce que quelqu'un se dit apôtre ou prophète que si t'imposes les mains et il te dit que tu reçois le Saint-Esprit. Je recommence encore. Regardez bien. Regardez bien, même parmi les apôtres, ce n'est pas n'importe qui est ordonné par le Seigneur pour imposer les mains. C'est pas, il ne suffit pas d'être apôtre pour être qualifié pour imposer les mains pour avoir le Saint-Esprit, frère. On a des problèmes. D'accord. On a des problèmes. Si je pose la question. Ne t'inquiète pas, mon frère, je comprends. Je comprends là où tu en veux. Avant que je pose la question, je sais que tu en es. Tu as annoncé quelque chose. Donc, tu as dit, mais c'est clair. Tu as fait effectivement comprendre qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, il faut une promesse. Et Dieu enverra toujours sa parole pour que celui qui l'écoute puisse être dans l'attente de la promesse. Et c'est au moyen de ça que l'Esprit de Dieu vient. C'est pour ça qu'il faut qu'il reçoive la promesse avant que le Saint-Esprit vienne. Donc si, pour certains qui disent qu'ils sont apôtres... Encore, c'est cette connexion-là. Or. Donc, si les assemblées, les rassemblements et tout, certaines personnes disent qu'ils annoncent la parole qui n'est pas liée à la promesse, et vous êtes en prie, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, est-ce que ces choses qui se font sont d'après la réalité du Saint-Esprit de Dieu ou c'est juste basé sur, je ne sais pas quoi, l'intelligence humaine? Il va falloir qu'on parle en cause à propos de cette personne appelée le Saint-Esprit. Je crois qu'il va falloir qu'on parle de lui proprement dit. Je vous pose une question. Vous avez suivi le témoignage de cet homme-là du Nigeria qui est mort, le pasteur Chikuko, quoi, qui était décédé, qui était allé prendre les esprits des eaux pour pouvoir œuvrer un milieu chrétien. Quand il prie pour les gens en imposant même qu'ils reçoivent le Holy Spirit, vous recevez quel genre d'esprit, ceux qui, pour qui il prie là? Je crois qu'il va falloir que nous connaissions qui est le Saint-Esprit. Je crois que. Oh, Manteau de gloire remplit sa maison.